j'étais perdu. Tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue. Tu sais, on peut faire des chaînes, et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne, et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne, nous tournerons en rond, mais les mains pleines. Donne-moi ta main. Aya Nakamura. Je suis dans mon comportement, bah ouais. S'installe chez Koei sur Énergie. On est là. On est. On est sur Énergie avec Aya Nakamura. Je vais être très, très honnête, très transparent. Il y a beaucoup de messages sur le Facebook Live de gens qui disent qu'elle a passé tout son temps sur son téléphone. Mais elle est connectée. Mais on est tous sur nos téléphones. Je viens de lire les messages. Tu te fais rhabiller automne, printemps, été. Là, t'es jusqu'à l'année prochaine. Elle passe son temps sur son portable. Elle a pas envie d'être avec vous. Elle se la pète. Je te jure, j'ai vu passer des messages dans tous les sens. Elle était avec son public à deux minutes. J'ai pris des photos avec la plupart du public. Je dis ce que j'ai vu passer. C'est de la publicité mensongère. Manipulation. C'est vrai qu'elle a pris des photos avec tout le public. Merci. J'ai rien dit. Je lis juste ce que j'ai vu passer. Voilà, non. C'est tout. Il a juste été porte-parole de certaines personnes, ça n'a rien à voir. Voilà, j'ai été le gilet jaune des messages. C'est ça. Voilà, j'ai passé alors, des messages. Alors, des noms, on veut des noms, monsieur. Ne m'engueulez pas. Ah, il y a des chansons. Dans un instant, on finit l'émission avec Aya Nakamura. On finit par est-ce que tu l'as dit ou pas? Oula. Ok. Oula, j'ai dit beaucoup de choses. Je milite pour que le mot djadja entre dans le dictionnaire. Le problème, c'est que j'ai pas encore la définition. Non, j'ai jamais dit ça. Non, tu l'as pas dit. Un directeur artistique m'a demandé de mettre des fonds de teint plus clairs, de me blanchir la peau et de me raser la tête. J'ai dit ça, mais raser la tête, non. Ah bah, nous, on l'a trouvé tel quel. 30 novembre 2018 pour ses stars. Ça se trouve, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, j'ai dit un truc du genre. Il a demandé ça. On t'a vraiment demandé ouais, ça c'est... Ouais, pour de vrai, c'est ouf. Vraiment. Ça a changé pourquoi? Je sais pas. Franchement, je me pose encore la question à l'heure d'aujourd'hui, mais il m'a sorti ça dans le bureau. C'est ouf ça. Mais en restant normal, sans blague, il arrive à dire dis donc, faudrait que tu te blanchisses le teint et que ouais, genre moi, franchement, là, je devrais plus faire ci, faire ça et tout. Ça passerait mieux en caméra et tout. Non, mais c'est incroyable. Mais je suis noire, pourquoi tu veux que je mette du fond Non mais tu l'as envoyé chier, j'espère. Bah ouais, grave. Ah ouais. Quand même. T'imagines le gars, bon bah attends, faut que je l'annonce au Cool and the Gang. Les gars, rasez-vous la tête. Alors, ils vont mal le prendre. Bon, en même temps, là, il doit s'en mordre les doigts. Ouais, là, il est revenu vers moi. Ah, il est revenu. Ouais, il est revenu vers moi. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est la meilleure des vengeances. Ouais. Et alors, il a dit quoi? Finalement, t'as bien fait de pas m'écouter. Ouais, j'ai dit des conneries et tout. Ah, ouais. Mais ouais, il le partait, quoi. Grand producteur. Ouais. Est-ce que tu l'as dit ou pas? Je faisais des études de mode à la Courneuve, je voulais être modéliste. Ouais, c'est vrai. Mais le projet, il est parti en sucette. Parce que ça me plaisait pas du tout. Je voulais pas. Enfin, c'est pas ce que je voulais faire et ça me saoulait. Et moi, je suis pas une personne patiente. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Il est parti en sucette. Est-ce que tu l'as dit ou pas? Je ne défilerai jamais avec les gilets jaunes. C'est par accord avec le rouge de mes loups. Non, j'ai jamais dit ça. Tu l'as pas dit. Est-ce que tu l'as dit ou pas? J'ai peur. Petit con de leurs mots, hashtag respecte les gens merde. Ouais. Twitter, 12 novembre 2018, vrai. Vous êtes parlé, vous êtes excusé? Bah non. Non, non. Vous avez changé? Non. C'est resté comme ça? Ouais. D'accord. Eh bien, j'ai une surprise pour toi. Mais non! Oh my god. C'est le moment. Non, ils sont en train de jubiler là. Pourquoi? La surprise. C'est le moment. Décale-toi. C'est le moment de se réconcilier. Faut qu'ils s'excusent. Non, j'en veux pas tes excuses. Ah bah. Ouais. Faut qu'ils s'excusent. Allez, Mathieu. Mais non. Bah non, tu flippes, hein? Mais non. C'est une vanne. Mais non, déconne. Bah, franchement, j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Non. Genre, non, c'est une blague, il est pas là. En revanche, Nikos. En revanche, Nikos et Lio sont derrière la porte. Ils attendent. Ils ont dit, on voudrait parler à Kaya Namora. Y a pas, donc, on en a pas. Allez, on va finir. On finit en chanson. On se finit avec copine. On est d'accord? Ouais. Allez, le public, tout le monde se lève. On y va. On finit juste pour vous rappeler qu'il y a pas mal de dates pour aller voir Aya Nakamura en concert. 253 millions de vues quand même, hein, pour le. C'est énorme. Ça cartonne aux Pays-Bas. Tout va bien pour elle. Le 29 novembre, elle sera à nouveau dans une émission avec Nikos. Comme quoi, tout va bien. Réconciliation. Tout va pour le mieux, bien sûr. Il avait des post-it de partout, Nikos. Te trompe pas, Nikos. La pression avec des points. Je ne me trompe pas, Lou. Je ne me trompe pas. Elle est là. Elle va chanter ce soir ici. Sur le plateau, plateau d'énergie, elle est là. Ça me fait très plaisir de te retrouver. Merci. Le temps passe et les petites choses entre les gens de qualité s'effacent. Vous avez vu, Nico, c'est toujours des phrases qui servent à rien. Nico, c'est toujours des phrases qui veulent rien dire. Il n'y a que les continents qui ne se touchent pas. Et on a réussi à se retrouver parce que les gens de talent et de bonne compagnie aiment toujours se retrouver. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voici Akaya Namamura. Je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai Joe. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc belle, t'as ma tête fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je veux la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai Joe. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Tu veux la plus bonne, bonne. À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder, eh. Tu veux que bombarder, ouais. Bombarder. Toi tu plains que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. M'appelle pas, mi amor. J't'ai barré, mais t'en veux encore. Toi tu crois viser dans le mille. Faudra prouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder, ouais. Tu veux que bombarder. Tu veux la plus bonne, ouais. Tu veux la plus fraîche. Mon gars, t'as coulé. Aïe, t'as cramé. Mais tu veux la plus bonne, ouais. Mais tu veux la plus fraîche. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder. Partout en France en tournée. Merci beaucoup. Très belle soirée. On va revenir demain. Je rappelle que demain, je suis devenu fou. À partir de demain, comme il reste quelques jeux pour vous offrir jusqu'à 10 000 euros, je remets encore plus de sous dans les enveloppes à partir de demain. Dès 17h30, vous pouvez gagner. C'est un marchand Paul ? Oui, mais non, je vais pas lui voir. Surprise. Je lui ai dit tout à l'heure, il m'a dit oui. Ah, c'était sûr ? Oui, il m'a dit oui. Je mets un mail. Ah, je passe à côté, j'ai dit ça va Jean-Paul, il m'a dit ouais. Ah, donc c'est bon, ça veut dire oui, oui, oui, c'est bon pour tout. Enregistré. Donc demain, on voudra encore plus de soi à vous offrir. T'es encore sur ton téléphone? Mais laisse-la. Pose ton téléphone, ça va finir dans ta chambre. Attention, hein. Il va te gronder. Ne dis pas de téléphone à table. Yannick Amoura est avec nous, on vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. À bientôt. Tu reviens quand tu veux. Bon courage pour la tournée. Joyeux Noël avec un peu d'avance. Merci. Et puis un bon 31 décembre. Merci. Où tu vas dormir à 21h. Pas si tôt que ça. 22h, c'est plié. Non, je vais me détendre. Allez, le plus grand cabaret avec Patrick Sébastien, à minuit 10, t'es couché. Ah, pourquoi pas, hein. C'est jamais, ça va être génial. Voilà, on fait un bisou à ceux qui étaient sur Facebook Live avec nous. Je vous embrasse fort. On vous laisse avec toute l'équipe du Rico Show. Ça va, les amis? Ça va, Koé? Ça va très, très bien. Oh là là, tout ce blé que tu nous promets, t'es le plus bon de nos copains. C'est pas tellement le mien, c'est pour ça que Aya a envoyé un message, c'est pour ça qu'elle était sur le téléphone. Elle veut jouer demain, elle veut que je l'appelle. Ah bah oui, non mais tu sais, c'est un bonheur. C'est un bonheur, franchement. Bonne soirée les amis. Allez, bisous l'équipe. On revient demain 17h. Merci à Yannick Amoura. Demain, ciao. Bisous tout le monde. Bonne soirée à vous. Koé revient demain sur Énergie. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, vous êtes dans le Rico Show et aujourd'hui on va parler là tout de suite des choses que nous faisons pour paraître plus intelligents. Croyez-moi, il y a du lourd. On aura un gros dossier sur les amitiés fake. Et oui les amis, on va vous donner les signes pour les détecter. Et puis à mon avis, ça va gueuler dans l'équipe parce que niveau fakerie et de l'amitié, on en connaît un rayon. Ah, n'est-ce pas Sarah? Comment tu vas, ma Sarah? Merci, bonsoir en pleine à tous. Forme. Au oh top. Là là, quel bonheur. Voyez, on s'aime. Hypocrite. Hein. On s'adore. Il y aura toutes les news, les galères ou pas galères avec des situations très particulières. Nouveau concept avec toi Sarah ce soir, ça va être énorme, on va en parler dans 5 minutes, d'accord? Ça va mon tombeur? Bah écoute, en pleine forme. Oh là là, t'as intérêt parce que ce soir, battle de séduction. Toi contre moi, oui. Qui va être le plus chaud, qui va être le plus séducteur? Sans tricher par contre. Oh là là, en plus il a mis une veste sans t-shirt. Ah, les poils apparents. Là je sais, ça s'est pas douché de la journée ça. Oh, ah, si, si. C'est le gars qui est parti vite fait sans t-shirt. Il a mis la veste jusqu'au cou, il se dit c'est bon, c'est terminé. Ça va JM? Écoute, ça va, dans moins de 2 semaines c'est Noël. C'est vrai. J'ai pas fait un cadeau, tout va oh bien. Là là. Ouais. Ah, bah. Moi aussi. En plus il n'y a pas de pognon, donc ça va être réglé. Ça va être réglé les amis, cette histoire. Merci d'être là. 0870 42 48. On va s'écouter Taki Taki, Taki Taki Rumba, Jérémy Frérot, Let Up Bitches, et puis Kenji qui sera là demain. Mais les amis, on en parle. Oui. Quelle est la chose que tu fais pour te rendre plus intelligente, Sarah? Alors moi, raconte-moi. En général, moi j'aime bien m'entourer d'un pote un petit peu neuneux. Ah bah oui. Tu vois, pour briller en société. D'accord. Par exemple Sylvain, j'aime bien embarquer avec moi dans mes soirées. Ah, lui c'est l'inverse de l'escort boy que t'amènes, tu sais, pour te bonifier. Le neuneu boy. Et vous, que faites-vous les amis? On en parle, taki taki. Et j'ai un top 5 de dingue. On le fait tous, cette chose-là, tous. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Aquí. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anonaki. No le baje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. And I, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, pero no one can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie girl. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Le bail du jour, mon Rico. C'est dingue. Ah, dingue. Tout le monde en parle. C'est le bail du jour sur Énergie. Ouais, avant de se faire l'Apple Bluff, inédit en radio, vous allez kiffer. Je me fais passer pour le PDG d'une grande enseigne. On parle de ces choses qu'on fait pour paraître plus intelligente. J'ai le top 5, ça vient de tomber, les amis. Par exemple, répéter une blague de quelqu'un d'autre comme si on venait de l'inventer. Ah. Spécialité de Sylvain, sauf que ce con, il attend même pas 3 minutes. Il la répète dans la foulée. Et je la retiens pas, surtout. C'est vrai, d'ailleurs, j'oublie tu fais quoi, toi, pour paraître plus intelligente? On a besoin. Ah ben moi je mets, tu sais quoi, sur la Freebox, ouais. Je mets Arte, la chaîne. Ah ouais. C'est-à-dire quand tu démarres la télé, tout de suite t'es dessus. Toujours, ouais. Toujours Arte en fond. Ah toujours. Ah c'est fort. Ouais, je comprends rien par contre. Il y a vraiment des gens qui ne te ressemblent pas. C'est vraiment l'ouverture personnelle qui est très forte. Non mais Arte c'est pas intelligent, il y a des mecs chelous qui dans sa poêle. C'est vrai. Quel rapport. Alors, c'est vrai. Arte c'est pas fort. Ben non, la preuve, il y a des gens comme toi qui pensent que c'est une chaîne intelligente. On a compris, JM. Yes, moi ce que je fais, c'est que je vais sur Insta, je prends une story, je fais en photo l'entrée du musée, l'entrée d'une expo, et je fais croire j'y vais, alors j'y mets pas un pied. Tu vois, histoire de... Alors toi, tu fais la doublette, hein, parce que ça rentre vraiment en compte. Et nous dit aussi partager un article intelligent sur Facebook. Ah ouais, donc ça rentre un petit peu en compte. Tu sais, le truc, un peu le débat politique du moment contre les écureuils de Normandie. Non, c'est vrai, il y a toujours ça. Il y a des débats en plus en dessous. Ça part en vrille. Il y a aussi, les amis, lire un livre sérieux sur la plage. Ah, ça, on le fait tous, alors que ce soit à la plage joyeuse. Par exemple, moi, quand je prends l'avion, je prends toujours la presse gratuite. Je prends le Figaro et l'équipe et je planque l'équipe dans le Figaro. Tu vois, c'est toujours ça. Moi j'avais fait ça une fois, sauf que je l'avais mis à l'envers. Ah ouais, d'accord. À l'hôtesse de l'air, elle me dit votre journal il est à l'envers, le Monde. Bon, d'ailleurs, elle appelle le journal Le Jardin. Donc ça va pas du tout, d'accord. Ah, donc c'est pour un con. Tu t'es fait cramer. Il y a Hugo aussi qui a fait le 0870 42 48. Il habite Paris. Il fait un truc que vous faites tous. Ça fait partie du top 5. Ça va, Hugo? Salut Rico, salut l'équipe. Salut mon poulet. Bah écoute, on est en pleine forme. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour te donner un air plus intelligent? Franchement, alors moi, ce que je fais, c'est que déjà, je mets tout sur les fringues, j'essaye de m'habiller super classe. D'accord. Et je mets des petites lunettes. Ah ouais, ah mais les lunettes, c'est la base. Ça donne tout de suite le petit air intello. Ah ouais, non, mais t'as raison, c'est la base. Porter des lunettes, quitte à ce que les verres soient faux. C'est vrai. Je me rappelle, mon père, quand il bossait pas, le pauvre à l'époque, il allait juste au PMU tous les jours. Il allait en costume et en lunettes. C'était avec une mallette. Et tu sais, la mallette, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Mais le nec plus ultra des lunettes, c'est quand vous avez le cordon. Ah les gars, vous rajoutez le cordon. Vous êtes au Mac. Moi, j'avais un petit cordon marron avec le col roulé, les gars. Vous le mettez, vous savez. La demi-corde sous le col roulé. Croyez-moi, vous faites ce que vous voulez. Vous avez l'air, mais vous êtes érudit à un point. Par contre, pas ceux de la grand-mère. Ah ouais. Est-ce que t'as mal à la tête au bout de 2 heures? Non, si ceux de la grand-mère, ça sert. Ah bah oui, tu comprends pourquoi il faut un Sam. Parce que quand t'as les lunettes, t'as l'impression que t'es bourré. On dirait toi en sortant de boîte de nuit. C'est vrai, il faut faire attention. Il y a plein de petites choses comme ça. C'est assez rigolo et on les fait tous comme mentionner, vous savez, un opéra. Oui, j'étais à l'opéra Garnier. Ou tu sais, prétendre aimer le jazz. Tu vois, t'écoutes un peu de jazz, un peu de ça, et puis dès que c'est barré, tu mets Aya Nakamura. Dès que les mecs sont barrés, bam, tu mets Aya. Il y a d'autres choses comme ça, Hugo, ou t'es essentiellement sur les lunettes, toi, mon poulet? Non, mais franchement, les lunettes et le fait de s'habiller classe, ça donne tout de suite un air plus. plus intello. Ouais, ah, bah c'est vrai. Moi, j'avais un pote, il avait peur de pas rentrer en boîte de nuit. Hugo, il allait l'été en costume, tu sais, devant la boîte. La boîte, elle était en plein air, c'était le sale gars en cravate. On a toujours ce pote-là, mon frère. Il arrive, tu sais, il est sapé comme Jaja. Ah ouais. Le gars, il est avec la cravate, c'est l'été. Avec les oreilles sous le bras. En plus, tu sais, dans le sud de la France, ils se prennent pas la tête. Tu rentres en boîte, c'est coulis, mon JM. Bah, c'est coulis, mais à une époque, c'était dur. Il fallait mettre les pointus au début, je te jure. Même l'été. Mais même l'été, je te jure, ils rendaient fou. Ils disaient, ouais, t'as des baskets, tu rentres pas. Il fallait des chaussures de 1000 pointues. Ouais. Donc, je peux te dire que j'ai un peu vécu la situation du costard. L'été, c'est souvent le petit parisien qui a 17 ans, il a encore le duvet, tu sais. Il a encore le duvet sur la moustache, il a les épaules, il est plus grand que tout le monde, tu sais. Il a une croissance de dingue. Il fait, tu sais, c'est une feuille toute fine, il est au milieu comme ça, avec la chemise, le pauvre. Minou. Alors que chez moi, en franche comté, tu rentres en claquet de chaussettes. Ouais, une cocoyote dans le slip. Hugo, je te fais un petit cadeau. Merci d'être passé, mon poulet. On t'aime fort. Merci à vous. Bisous, on va te faire un petit cadeau, mon Hugo. Franchement, vous déchirez à moi. Eh, on s'est régalé. Franchement, tu viens quand tu veux. 0870-42-48. Les news arrivent. Nouveau concept avec Sarah. La battle de séduction. Sylvain contre moi. Mais là, tout de suite, c'est un appel inédit. C'est l'appel bluff. Je me fais passer pour le patron d'une grande enseigne et je demande au responsable de changer son linéaire. Et oui, les gilets jaunes débarquent dans une enseigne de jouets. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Quelle est la première chose à laquelle vous pensez quand vous vous réveillez, Isabelle? Est-ce que mon chéri a bien mis son réveil? Parce que moi, je pars avant lui. J'ai peur qu'il oublie de le mettre parce qu'une fois sur deux, il oublie. Et du coup, c'est la panique pour emmener le petit à l'école. Il oublie son réveil une fois sur deux? Ah ouais? Ouais. Wow. Il se réveille à l'arrache, quoi. 5 minutes avant l'école, hop, il prend le petit et il court jusqu'à l'école. C'est génial. Des fois, il se trompe pas, il prend pas le. Il prend le chien, ouais, c'est ça. Et il l'amène à l'école. Oh merde. Et là, tu te dis, mais à qui j'ai donné des croquettes du coup? Manu dans le 6-9. Manu, allez! 6h-9h30 sur Énergie. 100 ans après le grand cataclysme, des villes nomades parcourent la Terre, détruisant tout sur leur passage. Cité prédatrice en approche! Mortal Engines, Peter Jackson vous embarque dans un futur mortellement dangereux. Rien ne peut résister à ça. Découvrez la nouvelle saga épique des créateurs du Seigneur des Anneaux, Mortal Engines, actuellement au cinéma. Avec Énergie. Viva Technologies, le rendez-vous mondial des startups et de l'innovation est de retour. Cette année encore, plus de 100 000 visiteurs venus du monde entier sont attendus du 16 au 18 mai. Dernières innovations tech, expériences immersives et rencontres avec les meilleurs start-upers et leaders internationaux. Viva Technologies, du 16 au 18 mai 2019 à Paris. Réservez votre passe à tarif préférentiel sur vivatechnologies.com. Au tacos, quand la faim justifie les tenders, cordon bleu, nuggets, viande hachée, escalope de poulet, la sauce fromagère unique. Au tacos, c'est le tacos original. À la française. Viens vite le découvrir dans l'un de nos 200 restaurants. Il y en a forcément à près de chez toi. Pour votre santé, bougez plus. Gagnez des PS4 Pro pour la sortie du film événement Mission Impossible Fallout en vidéo avec Énergie. Oh mon Dieu. Écoutez Koé de 17h à 20h sur Énergie. Comme on l'aime. Et vous gagnerez votre PS4 Pro et le Blu-ray de Mission Impossible Fallout avec Énergie. Mission Impossible Fallout avec Tom Cruise. Disponible en Blu-ray et DVD avec Énergie. It's music only. Vivez le jeu avec PlayStation VR. Ressentez la vitesse dans Wipeout Omega Collection. Plongez au cœur de l'action dans Firewall Zero Hour. Redécouvrez le jeu de plateforme dans Astrobot. Immergez-vous dans plus de 200 jeux et expériences uniques. Le Starter Pack PlayStation VR plus le jeu Astrobot sont à 199,99€ au lieu de 339,99€ jusqu'au 23 décembre, soit 140€ d'économie. Aya Nakamura présente son nouvel album Nakamura. Jaja et Copine, déjà deux tubes sur le nouvel album d'Aya Nakamura. My circuits are blown. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll depressurize. On the road, 500 hours. and something human, human. Tous les jours, Aymeric Bonnery est sur Énergie. Le Rico Show. 20h-23h sur Énergie. Eh oui, on a plein de choses à faire. Franchement, on se régale avec vous. Quelle belle émission. On est tellement contents. Vous venez 0800 70 42 48. On vous accompagne jusqu'à 23h. Les news arrivent. Et mesdames, vous allez adorer avoir du popotin. Vous allez pouvoir vous jeter sur le chocolat. J'ai une énorme news. Oui, on va en parler, ça. Oui, oui, oui. Ok. Ok, petit cul. Il est fou, lui. Non, mais c'est vrai, vous allez adorer le popotin. Vraiment, restez avec nous. Sarah Magouille aussi arrive. Sarah, nouveau concept avec toi. On va se régaler, hein, ma Sarah. Alors on va se régaler parce que je vais me faire passer pour une agent immobilière, mais un petit peu coquine. Très bien, merci, hein, merci, merci Sarah d'être là, la coquinette. Sylvain, en parlant de coquinerie, on va se faire la battle séduction, mais là c'est l'appel bluff. Ouais. Je me fais passer pour le PDG d'une grande enseigne, Sarah. C'est ça, en fait, cet après-midi, j'ai appelé une enseigne et j'ai dit au responsable du magasin que le PDG, monsieur Ginesté, allait l'appeler en personne dans la soirée pour lui proposer une OP spéciale gilet jaune et qu'on lui enverrait les petits détails par mail. Très bien. Vous allez me changer le linéaire là, on va prendre 12 mètres, on va installer les gilets jaunes, vous allez voir, c'est fou. C'est fou, j'ai envoyé un petit mail aussi avec une annonce à faire au micro en direct. On appelle avant que ça ferme, c'est parti, on va chez Jiffy. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canular, le canular du jour sur Énergie. Oui, bonjour monsieur Ginesté à l'appareil, comment allez-vous Julien? Bonsoir monsieur, ça va? Ça va? Bon, si je vous appelle, c'est parce qu'on est en train de passer à côté des gilets jaunes. Tous les gosses, en ce moment, veulent du jaune à Noël. Ils ont vu leurs parents porter des gilets jaunes et ils veulent absolument en porter. D'accord. Donc, j'ai fait commander là, dans tous les magasins de France, des gilets pour les gosses. Hein. On aura du 6 aux 14 ans. D'accord. D'accord, il y aura même des poupées CRS cette année. Hein, on va tout faire. Je veux vraiment quelque chose d'important. Hein, on est en train de passer à côté. Vous savez que les gosses sont dans le mimétisme. Hein, et on est en train de passer complètement à côté de ça. Surtout qu'on est dans la période de Noël, donc ils vont vraiment demander tout ça. Bah moi je pense que ça peut être une bonne idée. Bien sûr, moi je pensais mettre de la fosse lacrymo avec des petites bombes. J'ai commandé là en Chine, ils font un truc exceptionnel. Hein, ils font Barbie manifestante. Hein, et puis des petits pavés et deux trois lacrymos. Ouais, ça peut être pas mal, en sachant que tout ce qui est mitraillette, pistolet, habits, tout ça, ça se vend bien. On est en train de passer à côté, clairement. Je sais pas ce que vous en pensez, Julien, mais je crois qu'on est à côté de la plaque sur ce Noël. On aurait commencé peut-être ça une semaine ou deux avant. Je pense qu'on aurait déjà écoulé pas mal de stock. Ça arrive lundi. Hein, on va faire un rattrapage total. Ça va faire beaucoup de buzz, cette histoire. Et je pense qu'on va en bénéficier, puis ça va redynamiser le magasin. Bah, j'aurais eu un neveu un peu plus âgé. Oui, j'aurais pu lui acheter tout ce qui est bombes lacrymogènes, CRS, tout ça. Je développe par ailleurs aussi une application où vous secouez la tablette pour jeter du pavé. En fait, vous avez un banc de CRS. Vous secouez la tablette de haut en bas et puis vous avez les pavés qui arrivent pour arroser les CRS. Quoi. Ça va faire fureur. Ça, je pense que ça va très bien marcher, ça. Non, c'est vrai, et ils peuvent soit être du côté gilet jaune et donc jeter la tablette pour jeter les pavés, hein, ou soit du côté des CRS pour mater les gilets jaunes. Hein, ils peuvent inverser les deux rôles, quoi. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne idée. D'ailleurs, vous aurez 500 matraques dès lundi. Hein. D'accord, bah écoutez, je vais essayer de faire la place dès demain. Ouais, vous me faites la place, je veux un rayon. Hein. Vous prévoyez à peu près 12 mètres de linéaire. D'accord. Très bien, vous allez me faire une petite annonce micro là, rapidement. Oui, je vous écoute, attendez. Oui, ma secrétaire a vérifié, normalement vous avez le mail. Oui. C'est l'annonce, hein. L'annonce que vous devez faire au micro, allez-y. Exceptionnel, dès lundi. Voilà, très bien. C'est bon, vous êtes en place, Julien? Oui. Très bien, allez-y, faites l'annonce. Jiffy met en place une opération exceptionnelle dès lundi. Nous avions déjà prévu le gilet jaune, le jaune. Voilà qu'aujourd'hui, il est d'actualité. On n'y dit pas Jiffy des idées de Jiffy pour rien. Voilà pourquoi nous mettrons en place dès lundi un rayon gilet jaune complet. Présence de Barbie gilet jaune et des gilets jaunes disponibles de 4 à 14 ans. Vous tenez le téléphone en l'air, s'il vous plaît, que je puisse bien entendre le haut-parleur. Oui, attendez. Jiffy met en place une opération exceptionnelle dès lundi. Nous avions déjà prévu le jaune, voilà qu'aujourd'hui, il est d'actualité. On ne dit pas Jiffy des idées de Jiffy pour rien. Voilà pourquoi nous mettons en place dès lundi un rayon exceptionnel gilet jaune. Présence de Barbie gilet jaune et de gilets de taille de 4 ans à 14 ans. Très bien, bravo, bravo, bravo, exceptionnel. Quel talent. Allez, à lundi, hein. On s'appelle lundi. Lundi, vous venez bien en jaune et vous choisissez un CRS parmi les équipes, hein. D'accord, y a pas de souci. Allez, merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. La tranche du Jiffy lundi. On appellera lundi pour savoir si ça a été respecté, ouais. Les amis. Que du kiff à venir, vous allez comprendre pourquoi, mesdames, il est bon pour vous d'avoir du popotin. Et c'est très, mais alors très sérieux. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas. pas fait ce qui plaisait pourtant. Tant de déjà fait, tous ces beaux paysages. Là, je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh, ni d'éternel. Non, non, non, le temps a abjuré, sans peur du sel, le naturel. D'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ah. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la c'est les news. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. On se aussi un gros dossier sur l'amitié fake. Comment la déceler? Il y a des signaux très précis, mesdames, messieurs. Vous allez voir, 0870 70 42 48. Nouveau concept avec Sarah Magouille et le VTC arrive dans 15 minutes. VTC un peu modifié, vous le savez, je vous en parlerai. Les amis, on est dans les news et je vous disais, mesdames, qu'effectivement, des bonnes fesses, eh bien, c'est positif pour vous parce que c'est révélateur d'une chose, à ton avis, de quoi, Sarah? Oh là là, je sais pas, d'un bon job. D'un bon job, ouais. Non, Sarah, d'ailleurs, ça saurait. Ça saurait que les tiennes sont toutes petites. C'est vrai, toutes plates. Oh non, ah oui. Oh non, Sylvain, arrête. Le gars qui a maté, oh oui, ah, j'ai vu. Arrêtez un petit peu, JM. De l'intelligence, je sais pas. Ah, de l'intelligence, c'est exactement ça. Mais non. JM. Oui, c'est révélateur de l'intelligence. Mesdames, plus votre popotin serait épais, plus vous seriez effectivement intelligente et surtout en meilleure santé. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je pense qu'il faut que j'aille faire un check-up de ma santé parce que ça doit pas aller du tout, ouais, vu que j'ai pas de cul du tout, ouais. Niveau intelligent, je ne suis pas d'accord. Oh, d'accord. J'estime être très intelligente, d'accord, et avoir un petit cucu. D'accord, alors on va demander à Anastasia qui a fait le 0870 42 48. Ça va, Anastasia? Ça va, et vous, toute l'équipe? Salut, salut Anastasia. Salut. De Nice. Alors raconte-moi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Plus les femmes ont de grosses fesses, plus elles sont en bonne santé et plus elles sont intelligentes. C'est une étude qui est parue là, très scientifique. Lol. Qu'est-ce que t'en penses? Mais écoute, je peux pas dire que je suis encore quoi avec ça, parce que comme ça, on va pas dire que j'ai énormément de fesses, mais bon. Ah oui. Après, c'est... J'ai jamais vu un prix Nobel avec des... Moi non plus. Non, ça doit être une connerie. Mais par contre, sur la santé, il paraît que c'est véridique aussi. Hein. Ah ouais? Mais donc ouais. Je vais très mal, Rico, excuse-moi. Mais c'est une meilleure santé, tu peux aller très bien et être. En congé maladie, là. D'accord. Non, mais vraiment. Mais tu peux être en meilleure santé. Le fait que t'as plus de grosses fêtes, ça te donne plus de santé. Enfin, ça. Voilà, t'as pas le rapport. T'as plus d'apport. T'as plus d'apport dans le fessier. Parce que t'évites les Sylvains le tombeur, du coup, t'es moins en dépression. Et du coup, ça va mieux. Bah non, mais donc, faut manger 5 bars et Twix, quoi. Ouais, en fait. c'est ça. Faut arrêter les 5 fruits et légumes, ça. Oh là, toi, il veut pécho. Il y a quelle meuf qui écoute, là? À qui tu veux pécho? Bah attends. Écoutez, les gars, c'est des études, je vais vous envoyer le mec a créé des études. Il m'a dit, hein, c'est des scientifiques très, très sérieux qui ont dit qu'a priori, selon une étude, lorsque vous avez des fesses un peu plus importantes, eh bien, mesdames, vous seriez en meilleure santé et du coup, vous développeriez des capacités intellectuelles supérieures. D'accord, c'est les scientifiques Kardashian. C'est ça. Non, il ne s'agit pas de les modifier, il s'agit de les avoir naturelles. C'est des mecs qui bossent au McDo, je pense. Et d'en avoir une grosse, ça rendrait très con, n'est-ce pas, Sylvain? Je vous savais. Sarah et moi, on va finir célibataire. Mais non, c'est en meilleure santé. Ouais. Bon, je vois que ça vous fait pas plaisir, les amis. Bon, d'accord. Bah écoutez, mesdames, je vais me prendre toutes les nanas dans la gueule. C'est ça. Mais allez-y, vas-y, foncez. C'est une étude. Bah oui, d'accord. Non, mais attends, surtout qu'on choisit pas. Moi, quand je bouffe, je prends soit de la poitrine, soit du ventre, mais le cucu en général, il grossit pas. Ah ouais, c'est vrai. Bah, on choisit pas. Oh, écoute, il y a des copines, Sylvain. Bah faut faire du sport, hein, tout simplement. Hein. Ah oui. Faut squatter. Hein. Ah, faut squatter. Oui. Ah, ouais. Ah, c'est vrai, pour avoir des fesses un peu rondes, faut squatter. Ah bah faut faire du squat. Et moi, je suis derrière pour regarder si c'est bien placé. Lui, il squatte bien. Il est en sécurité, lui. T'as toujours le coach qui est sécure derrière. Il dit, attends, je t'assiste. Je suis là pour toi, t'inquiète pas, je te sécurise. Non, mais Anastasia, je te sens première sur les squats. Ça squatte un peu, toi, ou pas? Ouais, moi, je squatte un peu. Bah, on essaye, hein, pour justement faire de pas avoir les fesses plates. Pas dans l'appart, hein, faut squatter. Ah ouais. Bah, oh, merci, Sylvain. Oh là là, merde. On était en train de monter comme ça. Je m'ai senti ça monter, les méchants monter. Il nous a mis un coup derrière les oreilles. Tiens, on va parler d'une prof qui a envoyé un nude à un de ses élèves. Voilà. Ouais. Et ça a très très mal terminé. On se met Little Bitches, les amis, et on en parle. On est la Cop des Oufs jusqu'à 23h. Sarah Magouille arrive. Yes. Et puis la battle de séduction. J'en aurai une autre d'étude, tiens. Oh, pour me tomber dessus. Oh, les petites fesses. Concernant les hommes cette fois. Eh oui, il y a de tout. Sur les petits cons. I've got to wait in line. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Later, bitches. Bitches. Bitches. On est là jusqu'à 23h avec vous. Il y a pas mal de kiff, notamment un cadeau que vous allez tous pouvoir gagner en appelant le 0800 70 42 48. Ça tombe dans 10 minutes. Soyez bien là, les amis. On parle des news du jour. La première vous a pas forcément plu, mesdames. Hein, l'histoire du fessier, Sarah, j'ai vu, tu l'as en travers. Hein. Non, mais ça m'encourage à plus faire attention à ce que je mange. Bah, moi, je voulais vous décomplexer pour les fêtes. Vrai, hein. Si vous voulez pas, bah, tant pis. Tant pis. Continuez à vous faire chier, à vous faire de la salade. Merci, hein. Rico. Est-ce que vous kiffez, vous? C'est ça qu'on veut savoir. Mais bien sûr, une belle baguette, une belle cocotte, du foie gras, faites-vous plaisir, madame. Est-ce que moi, je me soucie de quelque chose? Merci, Maïté. Je mange. Et j'adore ça. Regardez-moi, elles sont toutes fines maintenant. Elles rentrent dans du 34, elles sont pas heureuses. Mais bouffez, madame. Bouffez. Moi, je fais 49. Oui, c'est une taille qui n'existe pas. Mais je m'éclate, putain. Je les vois, toutes ces gamines, le 31. Regardez les assiettes passer comme les elle en peut plus. Merci Maïté d'être intervenue. Merci, elle en peut plus. Manger plus, bouger moins, moi. C'est ça le truc. Voilà. Et bien sûr. Oui, c'est vrai. Faites-vous plaisir, mesdames. J'en ai marre. On va le faire. Ok, allez, les amis, la news suivante. Elle est là et elle concerne justement la coquine du jour. Ah, vous êtes vraiment là, on est très féminin. Là là. Hein. Alors, je vous explique qu'il y a une ancienne Miss. Hein. On a Anastasia qui est avec nous. Anastasia, ça fait nom de princesse, de ah, Miss. Quoi. Ouais, c'est beau. C'est vrai. C'est vrai, ouais. En plus, j'adore le Disney sur Anastasia. Ah ouais, hey, franchement, tu t'appelles Anastasia, t'es pas chefré. C'est dur à remporter. Hein. C'est une galère. Non mais c'est vrai, c'est comme tu t'appelles princesse et tu ressembles pas une princesse. Ah ouais. Il y a des noms comme ça un peu osés. D'ailleurs, Anastasia nous enverra sa photo. On la mettra hashtag Ricochet sur Energy, vous jugerez. Alors que JM, c'est vraiment le gars, tu vois. Bah, JM, tu peux avoir que des bonnes surprises. Eh ben voilà. Oui, évidemment. C'est-à-dire, quand tu dis, il y a JM qui arrive. Tu te dis, bon, ouais. Le gars il est sans pression. Ouais, c'est vrai, alors que genre Enzo ou Ryan, c'est beau gosse. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah ouais. Ah oui. Ouais, JM, moi ça me fait plutôt penser à un Tanguy, tu vois, le mec qui un daron de 40 piges. Ils ont tous 45 ans, les Jean-Marc. Et tu vois, moi je préfère partir avec un nom comme JM qu'un nom de princesse, tu vois. Moi aussi. C'est vrai. Ouais, comme toi, Emmerich, c'est pas terrible aussi. Hein. Ah bah écoute. Et c'est Sylvain qui dit ça. Les gars, on a tous des noms dégueulasses. Non, oui, c'est vrai. Non, Sarah, bien. Sarah, c'est hyper beau, ça passe partout. Il y a toujours une meuf chaude qui s'appelle Sarah. Ouais. Elle est où là? Il y a toujours une meuf qui est un peu mignonne, un peu. Tu vois? Oui, un peu mignonne, merci, ouais, tu t'arrêtes là. Il y a toujours une meuf chevrée qui s'appelle Sarah. Non, c'est vrai. On connaît tous une Sarah. Ouais. Ben on la connaît tous, ouais. Et il y a toujours des histoires de ouf à côté. Ouais. T'es fou. Vas-y, développe, vas-y. Bah, il y a le son de la cave et le nom de la. Mais t'as craqué, toi. Je te chante, ma Sarah. On adore. C'est ça. On adore. Genre, y en a n'est-ce pas, Anastasia? On adore Sarah. Ouais, mais je pense que Sarah, elle adore pas trop. Ouais, merci. Mais arrête, t'es belle. T'es belle. Tiens, toujours est-il, je peux parler de la coquine du jour? Allez. Sans que tu sois un peu gênée, ma Sarah, qu'il y en ait une à la place de toi. Elle s'appelle pas Sarah, t'espères? T'imagines? Elle s'appelle Sarah McQuay. Non, c'est une vanne. Bon, elle est ancienne Miss du Kentucky. Voilà, c'est une. Non, c'est où ça, wow, Kentucky? C'est en Espagne, t'inquiète. Non mais c'est vrai, elle est ancienne ça Miss. Ça commence mal déjà. Ouais, ça commence mal, mais en fait elle était prof, d'accord. Elle a été Miss Kentucky et maintenant elle est prof, d'accord. Quelle blase, Miss Kentucky. C'est sympa. Et en fait ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a envoyé des nudes à un gosse de 15 ans. Oh merde. D'accord. Bon, il a 15 ans. Il a reçu des nudes de sa prof qui est une ancienne Miss. Et la meuf, figurez-vous qu'aujourd'hui, voilà, elle risque 20 ans de prison parce que les parents l'ont dénoncé. Un petit nude comme ça qui passe. Bah, non, mais attends, à l'inverse, on aurait été outrés. Donc, ouais, elle mérite les 15 ans de prison, excuse-moi. Mais bien sûr, attends, il a 15 ans, le môme. Ah ouais, c'est vrai, bah 15 ans. Bah, il était content, lui, il était trop content. À 15-16 ans, moi, je reçois une Miss un petit peu dénudée en sous-vêtements, non? Mais toi, oui, les hommes, vous êtes des animaux, vous êtes contents. Mais les parents, moi, mon fils, il reçoit un nude d'une nana de 20 ans de plus. Bah, tu lui dis, vas-y. Ah ouais, d'accord. Non. D'accord. Bon, je Sylvain. Moi, je pense qu'elle est prof de SVT, hein, cette meuf. Hein. Ah ouais, pourquoi? Bah, parce que voilà, elle est en train de lui montrer le corps et tout. Ouais, bah, voilà, disséquer et tout. Ah bah oui, comment? La reproduction animale, vas-y, bah, attends, c'est important. Eh, les gars. Si c'est Sylvain l'avocat, on n'est pas dans la merde. Allez, Kenji, qu'on reçoit demain, tiens. Et puis derrière, je vous parlerai d'une autre étude. Là, elle est très sérieuse, les amis. Et puis, on parlera aussi du divorce du jour. Ah ouais, divorce chaud, là, sur Énergie. Vraiment gaulerie, hein. Vous inquiétez pas, hein. Que de la vanne, on est là jusqu'à 23h. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami,

drama. Only wanna do it once real bad. Gonna make that shit last. God forbid something happens. At least that song is a smash. Avant le VTC, c'est la patate chaude. Tout le monde se la refile ? Elle, c'est la patate chaude. Et elle peut exploser à tout moment. Eh oui les amis, elle est là, ça y est, vous pouvez tous remporter un cadeau. Appelez pour représenter l'une des personnes autour de la table. Sarah, JM ou Sylvain, 0870 40 48. Le VTC au colo Crado arrive, vous allez voir que pour lui, Maliklo est plus importante que jamais. Et il a bien raison. On parlera des amitiés fake, il y a tous les signaux pour savoir, battle de séduction, bref, que du kiff. On démarre sur la patate chaude. Yes. Il y a David qui est là, ça va mon David ? Ça va très bien. Salut mon poulet, t'es en forme ? Ah ouais, j'en ai du boulot là. Très bien, bah écoute, on t'accompagne tranquillement, t'as vu, vers la maison, peinard mon David. T'es pour qui toi ? Qui veux-tu dans ton équipe ? Ah bah JM. JM te représentera pour la patate chaude mon David. Salut Adèle, je crois qu'elle est là. Ça va Adèle ? Salut Nico, salut l'équipe. Salut ma chérie. Qui pour toi lors de la patate chaude ? Sarah, ouais, impeccable. Merci. Et puis il y a Marion, salut Marion, tu prends qui ? Salut le ricochon. Salut Marion, salut. Tu prends qui ma poulette ? Bah moi c'est Sylvain. Ah bah écoute, on sent le choix du cœur. T'es pas obligé de la poser. Attention, la question. Attention, top à la patate chaude, vous l'avez, elle est très chaude, vous la passez de main en main et on voit qui l'emporte. C'est parti, top. Comment s'appellent les habitants de la ville de Grasse dans les Alpes-Maritimes, les Sarah ? Les Grassois. Bonne réponse. Oh là là ! Elle a dû loucher sur mon questionnaire. Attention, Sylvain, elle a louché, c'est sûr. Quel genre d'animal est le silure ? Le silure. Un poisson. Bonne réponse. Oh. Attention, JM, quel est le prénom de la fiancée de Popeye ? Oh putain, comment elle s'appelle ? Facile. Oh là. J'aurais plus. Putain, c'est pas Marie ? Non, Olive. Ah, au rugby, quel nom porte le fait de marquer en aplatissant le ballon ? L'essai. Un essai, bonne réponse. Combien d'étoiles comporte le drapeau américain, ça ? 8. 50. Quelle couleur qualifie habituellement la ville de Toulouse ? Rouge. Rose. Oh, vas-y, encore. Quel groupe réunissait Flip Nikolic, Franck Delahaye et Adèle Katchermi ? Ah, je sais. Ça, je sais très bien, mais je gagne un peu de temps. Oh non, mais je sais, il y avait Philippe, Adèle et Franck. J'étais fan. Monsieur l'arbitre, et c'était les To Be Free. Bonne réponse, attention, Sylvain. Quelle est la monnaie officielle du Canada ? Le dollar canadien. Bonne réponse. JM. JM. Je vais pas parler, je vais tout casser. Je vais tout casser. C'est pas beau ce que t'as fait, Sarah. Ouais. Évidemment, c'est quoi cet arbitre-là ? La VAR, le replay, merde ! C'est pas beau. Non, mais laisse-la. Laisse-la face le à karma. Son sommeil. Tu le sais, karma. Le karma. Le karma. Le karma. Eh, hey, frérot, c'est quand même la seule meuf qui a fait un hit et qui est, et qui est tombée l'année d'après. Je suis désolé. Du coup, David, à cause de Sarah. Gros, je suis désolé. À cause de Sarah, qui est révélateur de sa personnalité, mon David. Mais c'est grave, vous voulez m'encourager. Tu viens de prendre un coup de pelle. Ouais. Oh là là. Pas du tout, désolé David. Ça changera des râteaux. Rien pour ça David. Je t'offre un cadeau David. Belle vanne. David, tu repars pas les mains vides, tu repars avec un petit cadeau. Rien pour ça, rien pour cette vanne. Franchement, hey David, si t'as rien à faire entre 20 et 23 heures, viens 22 rue Boileau, t'as toute ta place. Ah oui, oui. Ah oui, là, bravo. Je suis un peu loin quand même. Ah bah t'es d'où toi David ? Moi, de Cambrai. Ah bah de Cambrai, ah oui. Ah oh bah Rico Prod, il prend ça en charge en général. Oui, oui, t'inquiète pas, Sylvain a une bonne mutuelle. Bisous David, raccroche-moi, on va te faire un cadeau. Plein de bisous. D'accord, merci. Bisous, poulet. Attention, c'est la finale de la patate chaude. Qui de Adèle ou de Marion va l'emporter ? Allez, Sylvain. Marion, T'inquiète, ma petite Marion. Oh là là, oh là, là, là. J'ai peur. Malheureusement, Marion, si Sylvain l'emporte, ça va te coûter cher. Attention, au final, Sarah, Sylvain, je ne veux plus de cette histoire-là. Non, tu réponds ou tu réponds pas. Mais c'est une stratégie. Top, c'est parti, on y va. Quel sirop consommez-vous si vous buvez à Monaco, Sarah ? Grenadine. Bonne réponse. À partir du lait de quel animal le brie de Meaux est-il fabriqué, le tombeur? De la chèvre? Non, c'était la vache. Ah. Attention, à quel chanteur doit-on le tube? Envole-moi. Envole-moi. Goldman. Bonne réponse. Attention, Sarah, en Lorraine, quelle tarte salée te représente? La quiche. Bonne réponse. Ah, mais la quiche. Attention. Bon, Sylvain, quel nom donne-t-on aux habitants de la ville d'Orléans? Les Orléanais. Bonne réponse. Attention, Sarah, de quelle couleur est la croix représentée sur le drapeau grec? Verte. Oh non, elle est blanche. Quel est le nom de la célèbre promenade de Cannes située en France? La promenade des Anglais. La quoi? Promenade des Anglais. Oh non, c'est la croisette. Attention. Dans quel sport le Britannique Lewis Hamilton s'illustre-t-il? La luge. Non, Formule 1. Vas-y, okay. Sur le drapeau de quelle région française peut-on voir une tête de mort? Pirate. Vas-y, continue. C'est la Corse. Liste. Dans l'univers de Walt Disney. Oh, ah, c'est perdu. C'est perdu. C'est Marion qui l'emporte. Y'a pas besoin de répondre avec elle, hein. Elle est tellement teubée, regarde. T'as pas répondu. J'ai pas répondu. C'est quoi? Elle est tellement teubée, j'ai même pas besoin de répondre. Marion, tu remportes le joli cadeau, tu vas choisir. On a des enceintes, des Wonderbox, c'est pour toi, Marion. Merci, super. Bravo. Bisous. On t'embrasse, Marion, plein de bisous. Et puis Adèle, je te fais plein de bisous, tu repars pas les mains vides. On va te faire quand même un petit cadeau, salut Adèle. Merci. Bisous, désolé. Bisous, ma chérie, désolé. Allez, on se met au fun back. Et c'est le VTC de Malik. Il est d'ailleurs déjà avec sa cliente qui va passer un calvaire dans ce VTC. C'est le VTC de la peur. Jusqu'à 23h les amis, c'est le VTC de la peur. Imaginez la scène, vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur et c'est maintenant sur Énergie. Ouais, c'est maintenant, sauf que ce soir, il n'y aura pas de flash les amis. Il y aura pire, mais évidemment, comme on pense à Strasbourg, ouais, très fort, à tous les Strasbourgeois, on ne veut pas justement dans cette période qui est... Qui se flash info, je trouve que c'est déplacé, ouais. Et c'est pas respecter les victimes, d'accord, ouais. Donc les amis, ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, vous allez voir que Malik, une fois arrivé chez la dame, il ne quittera pas la voiture. Oh là okay. Là. Jusqu'au moment où elle s'est dit, il est peut-être un peu toqué celui-là, on va rigoler. D'accord. Et puis évidemment, derrière, on la débranche, mais pas de flash alarmiste. Non. Dans ce climat un petit peu tendu, on est là pour rigoler et faire que de la vanne. Derrière, il y aura les amitiés fake, on va en parler. Il y a les signaux, les amis. Bam, bam, battle de séduction aussi. Bref, une bonne soirée avec vous, les amis. On se connecte dans le VTC de Malik qui est déjà avec une cliente, me dit-on. On se connecte. D'accord, place d'Italie. Ok. On arrive dans combien de temps? Ah, par contre, on va mettre un peu de temps parce qu'il va falloir faire des détours. Hein. Je dis. Ah d'accord. Okay. Ouais, on va falloir faire des détours. Non mais ça va. Après, je suis pas pressé donc. Ah, vous êtes pas pressé? Donc j'arrive à destination. Bon. Oh, ah, oh bah écoute, je suis pas du tout pressé. Ah, non, faut jamais lui dire ça. C'est ça. Je suis pas. Bon, non, mais faites comme vous voulez. Quoi. Tant que vous êtes bien installé dans mon véhicule. Oui, non, mais je suis bien installé, je suis pas pressé, mais. Il n'y a pas de souci, madame. Je vais arriver à destination, quoi. Ouais, ouais. Elle a une voix particulière, c'est une dame âgée, ça. Il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce que c'est possible d'ouvrir un peu? Je sais pas qui vous a vu avant, mais ça sent. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais ça sent pas très bon, en fait. Non. Hein? Ouvrir un peu la fenêtre. Ah non, on peut ouvrir la fenêtre parce que sinon on va gaspiller un peu de l'électricité en roulant la voiture, ça fait machin. Mais du coup, non. Il est écolo, je vous rappelle ce soir, Malik. Écolo crado. Moi, non, j'ai pas eu de client, ça fait une heure et demie que je suis en pause. C'est normal que. Ah. Oui, ça sent. Vous avez pas le petit sapin là pour qu'il se sente. Ah non, ça, non plus. Hein, ça coûte une blinde, ces conneries. Oh, ça coûte une blinde, ça coûte 5 euros le petit sapin vert là. Non, ça pèse bah, bon. Non. Bah, en fait, je vous explique parce que en fait, je sens que vous êtes un peu perturbé par l'odeur. C'est que, en fait, je vous explique, vous êtes dans le premier VTC écolo de Paris. Ah bon? Voilà, vous êtes dans le premier VTC écolo. Et du coup, j'essaye d'économiser tout ce que je peux. Oh là là. L'odeur, elle vient sûrement de la douche que j'ai pas prise depuis 2 semaines. Oh. N'importe quoi. Si, ouais, je vous assure, ça fait, je me douche, j'essaye de me doucher une fois toutes les 2 semaines, ou comme les hommes préhistoriques, j'essaye d'attendre les giboulées de Mars. Oh là là. Si. C'est pour ça que ça pue. J'attends les giboulées, et quand il y a les giboulées, par contre, je me la pue, je vois. Ah ouais, comment il fait pour que ça sente vraiment? Vous l'avez une fois par semaine. Il se lave pas vraiment, oui. Vous l'avez une fois par semaine. Une fois par semaine, quand j'ai fait assez de vaisselle à la maison. Parce que je recycle l'eau de la vaisselle pour essayer de me laver avec la friture, machin. Non, n'importe quoi. Bah madame, faut économiser l'eau parce que franchement, comme dit Jean-Claude Van Damme, un grand frère qui j'ai bossé pendant des années, s'il n'y a plus d'eau dans 20 ans, on va tous crever. Il dit un peu des conneries aussi lui. Ah, non, pour l'instant ça sympathise, vous allez voir que ça va briller. Ce VTC Express, mais des plus galeries, vous allez voir que l'eau est très, mais alors très importante pour lui. Imagine Dragons sur énergie. Et surtout le final, franchement, il est ouf de ce VTC. On est là jusqu'à 23h. Quel kiff. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace. Facing a bit of the truth, the truth. I'm fading black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break. like it, I can taste it. The end is upon us, I swear, I'm gonna make it. I'm gonna make it! Allez, Malik est plus écolo que jamais, les amis. Il est dans son VTC. Ce soir, le maître est de retour. Le champion du monde de la catégorie VTC reprend son volant. Malik, le chauffeur le plus terrifiant, va vous faire trembler de peur. Et c'est vache, dit hashtag Ricocho sur énergie. Je le sens bien, ce VTC. Malik pense que l'eau va disparaître et croyez-moi, il l'économise. On se connecte dans son VTC. La cliente qui dit qu'elle a le temps, eh ben, va devenir chèvre. Hein, VTC Express ce soir, on se le fait bim bam. Que du kiff, on se connecte. Depuis des années, on a gaspillé de l'eau. Franchement, c'est n'importe quoi, c'est tout le gaspillage qu'il y a dans cette ville. Mais vous vous rendez compte, on vient de l'eau. Notre corps est fait de 99,9% d'eau. Oh là là, n'importe quoi. Vous vous rendez compte de ça? C'est pas du coca, c'est pas du Fanta, c'est de l'eau. Mais quand tu... Vous pouvez, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me donner un peu d'eau? Normalement, vous avez des bouteilles. Alors, quand on parle, t'as toujours soif. Alors là, madame, vous n'avez pas compris grand chose à ce que je vous dis tout à l'heure. Mais bon, tenez, si vous voulez, j'en ai une qui est ici. Hop. Voilà, vous la prenez, elle est bien chaude. Elle est Madine Vessie, celle-là. Oh non. Il a pissé dans l'eau. Pas non. Ça. J'ai essayé d'économiser, alors du coup, je fais plus dans mes bouteilles. C'est du jus de pomme. Non, mais il est dégoûtant, c'est un peu. C'est un peu. Bon, j'admets, c'est un peu dégoûtant pour mes clients. Il a pissé dans la bouteille, il a donné à la cliente. Au pire. Ah non, mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de patron, quoi. Alors, moi, je peux vous donner, sinon, cette bouteille d'eau qui est là. Alors, celle-là, je l'ai économisée, ça fait à peu près un an que je crache dedans. Oh voilà, c'est de la salive, hein. C'est de la salive. Mais bon, si vous buvez, c'est comme si on s'était galoché, alors. Le château Malik, ça. Ah, oui. Un baveux Malikus. Ah, on va éviter, hein. Oh. On va éviter, ouais. Ouais. Ah, par contre, ouais, votre bouteille d'eau, elle est aussi sale que votre pare-brise. Hein. Oh non! Il y a plein de merde. C'est une petite commune, du coup. Il y a de la merde de plus. L'hygiène, c'est pas trop votre fort, en fait. Je crois. Non, c'est pas une question d'hygiène. C'est pas une question d'hygiène, c'est une question d'économie. Parce que moi, je suis éco. C'est de l'engrais en plus. Hein. Oui, non, là, et dans écolo, il y a quoi? Il y a l'eau. L'engrais sur le pare-brise, ça sert. Ah bah. Écololo! Répétez après moi. Écololo! Oui, oui, oui. C'est juste du lave-glace. Parce que là, je sais pas comment on fait. Ah non, écoutez, il y a une technique très simple, vous savez ce qu'on va faire. Par contre, on va devoir faire un petit détour. Prenez cette bouteille vide avec moi. Prenez-la. Il y a un endroit où la mairie arrose des fleurs souvent et il laisse des petites flaques d'eau par terre. On va ramasser la flaque d'eau, on va ramasser de l'eau avec la flaque d'eau et on va laver le pare-brise. Mais par contre, il va falloir faire un détour, on va arriver 10 minutes en retard chez vous. D'accord, ok. Je suis désolé, madame. Non, mais c'est pas grave. Je suis vraiment désolé. Hein. Par contre, juste avant, j'aimerais savoir, je vais juste vous poser quelques questions avant que vous vous ramenez chez vous. Ça vous dérange pas? Des questions d'écologie pour savoir si vous êtes écolo? Il y a qu'à faire pendant le train, ça fait passer le temps. Hein. Je vais vous poser quelques questions. Alors, répondez. Elle est gentille. Hein. J'aime les gens qui sont vraiment écolo comme moi. Oui, alors, répondez. Alors, question numéro 1, combien de fois tu changes de slip? Je vais vous voyez, hein, c'est mieux. combien de fois vous changez de slip par semaine? C'est quoi ces questions? Ouais, de slip ou de culotte, je sais pas, vous êtes une femme. Combien de fois vous changez de slip par semaine? Ah, tous les jours. Tous les jours? C'est quoi cette question? Mais madame, attendez, tous les jours? Mais normalement, c'est un slip par semaine. Et encore, un slip par mois. Là, vous avez le même slip depuis une semaine. Non, celui-là, ça fait deux semaines parce que je l'aime bien, c'est Zorro. Ouais, c'est Zorro. Ouais, celui-là, je l'ai acheté à Tatine, il est super. Question numéro 2. Alors, OVC, vous utilisez quelle quantité de papier? Je sais pas, je prends le triple épaisseur. Triple épaisseur? Ah oui. Tu as 4,59€ à Franprix. Mais c'est la vie. Non mais vous êtes complètement malade, madame, sérieusement. Bon, tant que vous vous lavez pas avec l'eau, c'est très bien. Troisième question. Alors, vous vous mouchez avec un mouchoir ou dans vos mains? Comment ça, je me mouche avec un mouchoir dans mes mains? Quand vous vous éternuez, vous vous mouchez dans le mouchoir ou vous dans vos mains? Dans le mouchoir. Mais putain, mais madame, franchement, on va pas aller loin. Avec des êtres humains comme vous, avec des êtres humains comme vous, non, mais la Terre est à sa perte. La Terre est à sa perte. Là, vous en faites une réelle obsession, en fait, de l'écologie. Non, mais là, c'est pas dans 20 ans qu'on va crever s'il n'y a plus d'eau. Oui, mais avec vous, avec des êtres humains comme vous, c'est dans 2 ans, dans 2 ans, clap. Dans 2 ans, il n'y a plus de Macron, il n'y a plus de gilets jaunes, il n'y a plus d'eau. Il est con, ce Malik. Ah ouais. Il m'envoie un petit SMS, je vous le dis. Il me dit, j'arrive dans 5 minutes, qu'est-ce que je fais? Bah, écoute, Malik, tu fonces. Tu fonces sur la destination. Ouais. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il ne fera pas descendre la cliente. Il sera sur place, mais il va laisser les portes fermées. On va voir comment elle va réagir avant de lui dire que c'est une vanne, évidemment. Je sens que ça va partir en vrillasse. Ça va être une barre, mais une barre de rire, les amis. On va se connecter dans un instant. Il va y avoir le galère pas galère. On a pas mal de situations. La battle de séduction. Et on aura aussi, avec Sarah, un tout nouveau concept, le Sarah Magui, qui s'annonce complètement ouf. Bref, que des kiffs et les amitiés fake. Vous bougez pas. Malik va faire vriller sa cliente. Et on a plein de kiffs. La playlist suprême est de retour sur Énergie pour Noël. 50 000 euros à gagner sur Énergie. La playlist suprême Énergie, c'est Angèle, Marshmello, Big Flo et Oli, Marnik et Smack, 3 cafés gourmands. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, aujourd'hui ou avant fin décembre. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. Leclerc. Chérie, je regarde le menu du traiteur Leclerc là. On prend bien une bûche pour les fêtes? Bah, évidemment. Ok, je vais nous commander une bûche Giandugia noire. C'est bien ça. Une quoi? Une bûche Giandugia noire. La rencontre entre des noisettes torréfiées et un chocolat noir 73%, c'est le top. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc. La bûche Giandugia noire de 550 grammes est à 10,90€, soit 19,82€ le kilo. Commande en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Je commande, je retire en magasin et je fais un carton au dessert. Pour votre santé, évitez de grignoter. Le monde a sombré dans le chaos. De gigantesques villes nomades arpentent la Terre en quête de proie. Cité prédatrice en approche ! Peter Jackson présente Mortal Engines. Pour stopper cette mécanique mortelle, seule une jeune rebelle peut sauver le monde. Je savais que tu ne lâcherais pas. Par les créateurs du Seigneur des Anneaux, Mortal Engines, actuellement au cinéma. Avec Énergie. Vous allez gagner 5000 euros avec un pari dingue de Koé. Avec Énergie. Ah, c'est trop beau ! Qui de l'équipe pourra relever le défi de la légende du Giga Tacos? Le haut tacos pesant 2,5 kg. Écoutez Koé de 17h à 20h sur Énergie. Pour gagner les 5000 euros offerts par haut tacos, il suffit de choisir l'animateur qui sera capable de relever ce défi. 5000 euros à gagner, c'est chez Koé. Énergie, eat music only. Leclerc. Chérie, jeudi 13 décembre chez Leclerc. Et ce jeudi seulement, 30% de tickets Leclerc sur tous les saumons fumés. Mais non, sur tous les saumons fumés? 30% de tickets Leclerc. Oh, j'adore ça, le saumon fumé. Tout le monde. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Le 13 décembre, bénéficiez de 30% de tickets Leclerc sur tous les saumons fumés. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Le jeudi 13 seulement. Et seulement chez Leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark. This broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. And nothing breaks like a heart. save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Attachez-vous, danger, c'est le VTC de la peur sur Énergie. Eh oui les amis, VTC complètement fou. Ce soir, évidemment, comme il se passe des choses sur Strasbourg, on ne fera pas un flash info annonçant qu'il est recherché. Le but c'est de kiffer évidemment. Et on trouve ça déplacé. D'ailleurs évidemment, on vous tient au courant s'il se passe des choses du côté de Strasbourg. Nous on vous aime très fort, on a vécu ça ensemble. Et franchement je n'oublierai jamais, on est une grande et belle famille. On est là dans les bons comme dans les mauvais moments. Hier c'était un dur moment et on l'a vécu ensemble. Et je trouvais ça absolument magique et magique dans le sens où heureusement vous étiez bien là sûr. Parce que franchement on était tous très très très mal. Franchement il faut le dire. Et on était unis, on était ensemble et on a passé ce cap là. Et on pense évidemment à tous les Strasbourgeois. On va parler des amitiés fake. C'est sûr que la nôtre entre vous et nous les auditeurs, elle est plus vraie que jamais. Et franchement ce moment-là était particulier. Encore une fois, je le répète pour nous hier hein, c'était franchement c'était particulier. Bah, je suis rentrée, moi j'ai chialé. Vraiment, heureusement que vous étiez là hier soir avec nous. Vraiment. C'était un grand kiff les amis. Sarah Magouillard avec son, avec son concept complètement ouf. On va avoir la battle de sélection Sylvain contre moi et le galère, pas galère, vos vies, vos emmerdes. 0870 42 48. JM est là aussi. Vous venez, vous kiffez. On se connecte avec Malik qui est plus écolo que jamais, et je sais qu'avec sa cliente, c'est en train de chauffouiller gentiment. Elle n'a pas encore démarré, mais là, on est sur la fin. Vous allez voir que Malik est en train d'arriver. Il m'a dit, je suis pas loin, j'attends juste que vous repreniez l'antenne, parce que pour l'instant, je vais à droite à gauche. Très bien, on se connecte avec lui, c'est parti. Il est en train de boire de l'eau, putain. Il est en train de boire de l'eau dans une bouteille. Il manque de respect à la société. Non, mais attendez, non, mais je vais lui foutre une raclée. Non, mais je vais lui foutre une branlée. Ah, toi, là, ta bouteille. Et c'est ouf. Donne-moi ta bouteille. Putain, ah ouais. Putain, t'as gerpillé. Regarde, je vais t'écraser. Je vais t'écraser. Il a piqué sa bouteille d'eau. Ah, plus que ça. Notre stagiaire était en train de boire à côté de la voiture. Tout le monde boit la bouteille, en fait, c'est n'importe quoi. On boit pas de l'eau en public, bordel. C'est pour l'écologie. Écoutez, c'est bien marrant en deux minutes, mais là, c'est une obsession, c'est n'importe quoi. Putain, ça fait chier, bordel, ça fait chier. C'est bon, on est arrivé là, laissez-moi là. Hein? Laissez-moi là, c'est bon. Mais c'est, on est en bas de chez vous, là. Ici putain, mais ça me donne envie. Ah bah il était vraiment pas loin du tout. Oh putain, il est temps. Ça me donne envie de chier. Non, j'ai chier. Oh non mais là vous m'avez, là vous me faites chier depuis tout à l'heure. Et ben j'ai envie de poser une pelouse dans mon véhicule. Non. Moi je suis écolo. Je suis dans mon véhicule. Oh. Voilà. Oh, mais vous êtes dégueulasse. Ah il a baissé le pantalon. Non. Pas votre cul. Alors pas la goutte. Il a une petite lunette de toilette. Hein, c'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il chie dans son siège. Vous parlez pas de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il a une espèce de petite cuvette qui peut rabaisser. Allô. Timothée. Ouais. Vous appelez qui là? J'appelle mon mec. Merci. Je suis en bas là. Mais j'arrive pas à me concentrer pour chier. Il en bat chez le cup. Raccrocher, bordel. Putain, mais il va tomber sur l'orable, le mec. Hein. Il a baissé le ben. Allô. Tu peux venir ou pas? Mais raccrocher, putain, mais j'arrive même plus, j'arrive pas à chier. Oh non. Bah, il est écolo, hein. Il est toilette sèche, hein. Il est vrai, hein. C'est dégueulasse, ça. Putain, j'arrive pas à chier. Vous sortirez pas de la voiture, vous êtes pas écolo. Mais elle est en bas de chez elle. Petit, ce con. Elle a appelé son mec. Vous allez laisser ouvrir parce qu'il va s'énerver après. Hein? Il va s'énerver de quoi? Là, il y a le cub qui descend. Elle va chier dessus, Malik. Ah ouais, c'est le cas. Elle a bloqué les portes. Elle sortira pas de la voiture. Quoi ce bruit là? Toi, t'as pas une tête écolo, toi. Elle est là, c'est son cub. Ah, purée, il va se faire. Hein?

j'ai confiance en toi. Excellent ce nouveau VTC de Malik, il a vraiment peur de rien et ne craint personne. Quel malade les amis, c'est vrai qu'on s'est régalé, c'est le galère ou pas galère? C'est galère ou pas galère? Dans le Rico Show sur Énergie. Eh oui les amis, des situations, vous venez avec vos galères, 0870 70 42 48, on en parle. Vous allez voir que Brice il a un problème avec l'ex-femme de son frère. Oh, ouais, ça bouillonne dans le caleçon et galère. C'est pas bon. Ah, voilà. Galère ou pas galère? On va en parler, il y en a pour qui à mon avis c'est que du bonheur. Ah ouais, c'est du bonheur, c'est le panard même. Oh non. Oh, il est vraiment dégueulasse. Ben, tiens, on va démarrer par Brice. Tiens, ça va mon Brice? Ça va très bien, bonjour. Salut mon Brice. Merci d'avoir fait le 0870 42 48. Qu'est-ce qui t'arrive mon Brice avec ton ex? Ah, écoute, ouais, j'ai l'ex d'un mon frère là, ça fait quoi? Ça doit faire peut-être 2 ans qu'ils sont plus ensemble. Ouais. Et elle me chauffe grave. Oh là voilà. Là, on va en parler mon Brice, tu bouges pas, galère ou pas galère? Mika aussi a une galère. Ça va Mika? Salut, ça va l'équipe? Salut Sylvain, salut Sarah, salut tout le monde. Oh là, c'est bon ça. Merci d'avoir fait le 0870 42 48 et merci pour JM. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Mickaël de Périgueux, on t'aime mon Mika. Raconte-nous toi, c'est quoi ta galère? Bah, moi j'ai 40 ans et puis bah, quand approche les fêtes de Noël, ouais, je ressors tous mes Lego comme quand j'avais 2 ans. Ah ouais. C'est une vraie passion quoi. Alors galère ou pas galère l'équipe? Ah bah ouais ça dépend. Bon ça fait du bien d'être un gosse de temps en temps, mais faut grandir un peu, Sarah. Ah non mais faut pas me dire ça à moi. Moi quand justement c'est à Noël, si mon petit frère il a un meilleur cadeau que moi, ah ouais, ah je pleure, je suis en mode jalouse et tout. Je fais une crise à mes parents. Qu'est-ce qu'elle est mauvaise. Mais je te jure c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle est mauvaise. Il en est hors de question. C'est vrai. Ouais. Moi j'offre des Lego à mes enfants et du coup je kiffe trop leur faire ça, mais même quand après le 24, on est fatigué quoi. Donc mais toi tu fais des cadeaux en fait pour toi quoi. Ça me fait plaisir. Non mais c'est vrai, moi je suis comme toi, j'adore faire la photo avec la mère Noël. Hein. Quand je la vois au supermarché, je suis dedans, je m'assois sur les genoux. Par contre c'est rare une mère Noël sexy, excuse-moi. Ah bah écoute-moi, t'as pas vu ta mère déguisée. Je veux dire que ta mère, elle adore la guirlande et les boules. Hein. Elle louperait pas un sapin pour une année. Hein. Elle préfère la merguez, ma mère. Oh là là, elle adore, je peux te dire qu'elle adore, c'est monter sur les étoiles. Oh, c'est le traîneau. C'est la fête des enfants, mais qu'est-ce que vous racontez? Ah, ouais, ça devient dégueulasse. On s'échappe un peu. Ouais. Et Mickaël, on sent tout de suite que c'est vraiment un gosse. Quoi. Noël, c'est la fête des enfants, merde. On a réussi à le dégoûter de Noël. C'est-à-dire que Mickaël, il est premier degré. Non, mais il a vraiment 5 ans dans sa tête, c'est ouf ça. Bah non, moi j'aime bien, moi. Je trouve que c'est pas galère. Ouais. Tu vois, moi j'aime bien jouer encore au docteur. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Ah oui. Quand t'es petit, bah oui, docteur Maboule, tu connais le docteur Maboule. Ah ouais. Sauf que moi, je suis vraiment Maboule pour ah vrai. Et puis il a besoin de se faire soigner. T'as vu les chlamydia qu'il a celui-là? Il faut qu'il se fasse dépister, soigner. D'ailleurs, allez-y, JM. Yes, moi, je repars en enfance quand je regarde les petits génériques des dessins animés, tu vois. Ah ouais. Et obligé de mettre un petit Olivier Tom quand même, c'est vrai, à l'ancienne. C'est vrai, un ouais. Dragon Ball Z ou quoi, à la base. Un film de Noël, si tu tapes pas le film de Noël. Ah, je fais que ça. Tu sais que dès que je rentre, d'ici sur W9, bah il y a plein de films de Noël. Grave. Et regardez sur ces films de Noël, c'est la petite info, on s'en bat les couilles. Oui. Et je vous le dis, quand vous regardez un film de Noël, des fois pendant 1 minute 30, t'as une meuf sur un canapé qui est en train de réfléchir. Et en fait, c'est pourquoi? C'est parce que ces films, ils sont tellement faits vite que pour gagner 1 minute 30, 2 minutes de film, pour que le film dure pile 1h15, t'as plein de scènes où t'as la neige qui tombe, tu sais, avec une chanson, etc. Et en fait, ils comblent le film. Et si tu enlèves tous les sapins avec la neige et les zik et tout, t'as en fait 45 minutes de film. C'est un court métrage. Voilà, mais comme le truc pour être inscrit film, il doit durer 1h15, tous ces trucs de Noël, en fait, t'as beaucoup de scènes où la meuf, elle réfléchit. Est-ce que Père Noël va venir? Est-ce qu'il va prendre... En fait, c'est des scènes qui coûtent pas cher avec un plan et une nana qui réfléchit. Non, mais comment tu sais ça? Ah bah écoute, on. Tu galères essaye, dans ta vie, toi. Non, parce que en fait, on touche des aides quand on crée des films. Et je compte bien ne pas être plus con que les autres. Mais c'est vrai, j'ai appris ça, j'ai dit c'est ouf. C'est, complètement ouf. J'ai vérifié. C'était Vincent Lagaffe qui a fait un film, notamment, t'es Lagaffe du Big Deal. Ouais. Bah, il a fait un film avec que des scènes un peu ripou comme ça où le mec il marche dans la rue, etc. pour que ça puisse rentrer en tant que film 1h15. Et puis je sais pas si c'est son cas, mais du coup, tu touches des aides pour pour faire du cinéma. Et le film, génial. Il a marché le film parce que personne s'en rappelle. Plan, quoi. Eh ben voilà, t'as la réponse. Par contre, le blé, il a touché. Ouais, par contre, il te l'impose ces films-là. Ouais. T'as jamais remarqué là, pendant la période de Noël? Ah, mais on aime ça quand même, ça. Ah non, oui. Ça me saoule, moi. Oh. T'as pas de cœur, toi. Hein. Eh, lui, à Noël, il est jamais là. Soit il est grippé et du coup, il peut pas offrir les cadeaux. Soit il s'en va loin, loin parce qu'il veut rien offrir, ce crevard. Ah ben, mon sapin, là, je lui mets un gilet jaune, hein, ce soir. Je te jure. C'est pas vrai. Y a pas de cadeau dedans. Le premier sapin gilet jaune de l'histoire. Il est où? Mika, t'as raison, fais-toi kiffer, c'est Noël, ça va avec. Ben ouais. Je vais te faire un cadeau. Un cadeau à la place de mes enfants, genre. Bah oui, t'as raison. Et puis tu sais quoi, faut les tester les jeux avant, c'est important. Ouais, faut les tester, c'est ça. Il faut leur donner envie de jouer parce que la vie est un jeu. Bah oui, oh là là, Mika, attention, attention, ça va virer coquin, c'est ça. La vie est en jeu, on dirait une vieille cougar, tu sais, dans un film un peu cochon. La vie est un jeu, Père Noël. Alors oublie les règles, amuse-toi. Viens toucher la beubare. La vie est un jeu, plus à la mère Noël. Voilà. Mickaël, je t'embrasse. On va venir jouer ensemble, hein. On prévoit ça. Plein de bisous, mon Mickaël. On va te faire un petit cadeau. Raccroche pas. Brise son Ted. Il est à fond sur l'ex-femme de son frère. Ah là, oh là. Ça derrière Battle de séduction, Kaiser Panda. Brice. Oui. On va venir t'aider. Je sais que ça bourgeonne dans le caleçon, mais va falloir tenir. Esta ti te llama, suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la carne. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer. Y si no, pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me flow, pues como Yandel. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. Dam, dame, dam, dam, dam, dam, dam, dam. Quieres vacilar con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate el estrés, mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami lo quiere. Sé que prefiere, mami, tu huevo no miente. La gente mecha, Bogotá va a rumbear y Bogotá va a danzar. No llego todos a Pipura y en el oriente. Todo quiere fiesta y bailar. La gente mecha, la gente quiere fiesta y rumba. Ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pula, vamos a romper. Hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Con las manos para arriba, yeah. Siente el ritmo, mamita, Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Que lo que. Un, dos, tres, go. Que lo que. Calle anda. Que lo que. Repitiendo moler. Allez, vous venez, les amis. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Eh oui, on est là de 20h à 23h, du lundi au vendredi. Et puis, Brice a une galère. Avant de se faire la battle de séduction dans 3 minutes, vous adorez ce rendez-vous. Sylvain contre moi, qui est le plus grand séducteur? On a créé un profil sur les sites de rencontres. On s'appelle Enzo, pied d'égalité. Ouais. On a la même bouille, le même job. Il suffit juste de voir maintenant qui est le plus grand séducteur, sachant que c'est Sarah qui a dragué en amont les nanas. C'est comme ça, on va voir qui est le plus performant. Ok, Sylvain? On n'a pas le même compte, hein, par contre. Ah oui, on n'a pas le même compte, ni la même queue. Merci, bonjour. avez la même passion. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. L'affaire. Oh bah oui, hein, on fait tous, on va tous au centre commercial, on fait tous. Oui, et, bien hein, sûr. Hein, merci Sarah d'être là. Coquinette, hein. Coquinette. Oula, elle se fait des kiffs. Je me demande si des fois, à se faire passer pour Enzo, pour nous, pour choper des numbers. Je te jure. Hein, pas sous le... Mais elle m'envoie des photos coquinées, tous les nanas, je te jure. Ça t'excite un peu. Je me régale. Ah oui, elle m'a fait une confession, elle m'a dit depuis que je vous connais, si j'étais pas mariée, je pense que j'aurais préféré les femmes. Ah, vous m'avez dégoûté des hommes. Mais c'est non. Pas... Ah, vraiment. Mais arrête. Ah, je te jure, vous êtes des animaux. Je vous vomis. Mais vraiment. C'est pas vrai. En tant qu'homme, je vous vomis. Ça, c'est un homme, hein, dessous. Ah ouais. Non, pas du tout. J'ai vu twerker, j'ai trouvé que la culotte penchait un peu basse. Genre, elle a twerké en mini-jupe, et puis j'ai vu une grappe descendre. J'ai dit, tiens, c'est pas les vendanges, mais on a quand même la grappe qui est présente. Mais n'importe quoi. D'un coup, j'ai vu cette grappe descendre, tu sais, elle a twerké. La grappe ou pas? Bah écoute, je peux te dire, elle était bien rouge. Ah oui, on va en parler à JM le pervers, hein, qu'on va essayer de la mettre, ma grappe, tu vois. Ah oui, ah bah écoute. Calme-toi, je te dis. Oula, oh, Sarah. Ouais, ouais. Non, mais ils vont croire que je suis dégueu et tout. Ah bah écoute, tu sais quoi, je mets une photo de Sarah sur le Snap. Allez. R-I-C-O Energy. Voilà. Je la mets et sans vous filtre. Jugez. Sans filtre, R-I-C-O Energy, vous branchez. En attendant, il y a Brice. Brice qui est en train de chauffer sur l'ex-femme de son frère. C'est ça, mon Brice? C'est elle qui me chauffe plutôt. Ouh là là, oh, ouais. Nuance. Nuance. Ok, raconte-nous un petit peu, Brice. Alors, écoute, ouais, ça fait, donc j'ai dit, ça fait quasiment 2 ans qu'ils sont divorcés. Ouais. Et ma famille ne peut pas la voir en fait. D'accord. Et elle, voilà, elle fait que de me chauffer. Et... Hmm. C'est un bah déjà, c'est une super personne, quoi. Hein, vraiment. Non, mais. Je suis au bord du craquage, donc est-ce galère ou pas galère, les gars? Bah là, c'est galère, mais c'est au bord du craquage de quoi? Pour se mettre avec ou pour un petit coup? Ouais, pour craquer, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Elle me chauffe, ouais. Mais t'as envie juste d'une fois ou de plusieurs fois? Non, ce serait histoire d'un soir. Ah, c'est histoire de se mettre dans la merde. Exactement. Ok, Brice. Non, mais encore, ce serait avec des liens, des trucs, les ex. On a tous des histoires avec ses ex. Ah, les ex, des ex, des ex. Non, mais toi, t'es fou, les caves. Et maintenant, genre, des ex. Genre, j'ai plein d'ex. Bah, écoute, mais t'es complètement zinzin. Non, mais je veux toi. Dire, t'as... Non, mais les ex d'un oui, pote. Oui, oui, moi, il y a un ex à moi qui voulait serrer ma meilleure amie juste après moi, en fait. Et elle a dit quoi? Bah, elle a dit oui, c'était pour m'énerver, je me suis embrouillée avec elle. Bah, oui, il était trop beau, tu comprends. Non, il était très riche, c'est tout. T'es très riche. Ouais. Oh là, elles sont toutes comme toi, tes copines? Pas toutes, non. Oh l'horreur. Sylvain. Ah ben moi, tu me demandes à moi. Ouais. Est-ce que l'ex du ex, est-ce que par exemple, s'il y avait une ex à moi qui se présentait, voilà, on a mis depuis des années. Finis même pas la phrase, il va répondre à tes quêtes. Il se présentait, elle te dit voilà, Sylvain, tu sais quoi, j'ai envie de faire un one shot ni vu ni connu, pim pam poum. Ah ben moi, je suis écolo, hein, je suis dans la récup. Hein. Donc je te dis oui. C'est pareil. Oh ben j'ai vu, quand je vois ton ex Kim Glo de la télé-réalité, je me dis qu'elle finira dans une poubelle jaune. Oh, il y a que du plastique sur la gonzesse. En même temps, c'est vrai, c'est pas faux. Allez, 3 cafés gourmands. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle? Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y'aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pedri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnole, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi sert nous à boire. On a les yeux qui brillent. Papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya, papaya. Acceptez ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Allez, les amis, on est là jusqu'à 23h. La battle de séduction arrive dans 3 minutes. Sylvain était comme un ouf d'entendre j'ai énergie en cathéter. Ça fait 3 mois que le gars il vit dans 3 cafés gourmands. La chanson que vous venez d'entendre, j'ai énergie en cathéter. Il était subjugué, il a les yeux qui brillent. C'est bien, il aime sa radio. C'est bon de voir ça. Il y a Brice qui aime aussi l'ex-femme de son frère. Ouais. Hein, mon Brice, il a envie de passer à l'action. Il bouillonne, puisqu'elle lui tend la perche. Mais moi, c'est mon ça. Brice, si ta famille ne l'aime pas, j'ai l'impression peut-être qu'elle te tend un piège. Est-ce que c'est pas le piège, mon Brice? Tu vois, c'est chaud, ouais. Eh ouais, parce que moi je parlais de l'ex de Sylvain. Moi il y a une ex à Sylvain, je dis pas que c'est elle, hein, je dis pas que c'est la dernière là dont on parlait, Kim Glow, mais il y a une ex de Sylvain qui m'a fait des propositions claires. C'est vrai, et qui m'a envoyé des photos et tout, et m'a dit je suis dans tel hôtel, je t'attends mais et tout. Et t'y es allé? Pas du tout. Bravo. Parce que moi je suis pas dans la récup, mais franchement, Sylvain, c'est un label quand même. Hein. C'est pas ça, c'est que franchement ça m'a pas traversé l'esprit une seconde. D'ailleurs, je te l'ai dit tout de suite. Ça va, les photos, la belle était bien vitrée. Je peux te dire, c'était open bar. Sylvain, c'est comme mon frère, tu vois. Ouais. Donc, Brice, ton frérot, tu peux pas y aller là. Tu peux pas. Tu vas créer des emmerdes. En plus, si ta famille l'aime pas, ça va t'arranger à quoi? Des nanas, il y en a plein. Des hommes, il y en a plein. C'est clair. Franchement, Brice, t'as 30 balais là. Te prends pas la tête. Sérieux, et tu vas pas faire ça à ton frère. Lui, il va plus te parler pour la vie. Ouais. Et la nana, elle est de passage. Ouais. Non, mais sérieux. Ça est next pour tout en plus. La famille, la meuf. Brice, mets-toi un petit YouPorn là, détends-toi. Base là, fais pas autre chose. Base là, parce que tout ce que tu pourras dire sera retenu contre toi. Non, mais je te le jure, Brice. Tu bases cette histoire. Non, je te jure, c'est une galère sans nom. Ça, y a même pas de pas galère, galère, pas galère. C'est galère. Double. Ah ouais, double. Ok. Pas de problème. Bon, tu nous tiens au courant de ce que choisit ton petit oiseau, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui va décider. C'est ça. Allez, bisous mon Brice, en tout cas t'es un amour. Bisous. Salut, ciao. Ciao Brice. Ciao. Des amours aussi, merci. On te kiffe mon Brice, on va te faire un petit cadeau avant de partir. Allez, c'est la battle de séduction, c'est parti. Mesdames, planquez-vous face à face. Sylvain le lourdeau. Un petit dîner en chandelle, toi et moi, autour d'une petite plâtrée de tagliatelle saumon. Face à Rico, le gospo. On ira là où le vent nous mène. Où ça? Vas-y. Vers un petit moment sympa entre nous. C'est la battle de séduction sur Énergie. Eh oui les amis, faites vos jeux. Hashtag Rico Show sur Énergie, Rico Énergie sur Snap pour voter. Le standard 0870 42 48. La battle de séduction est ouverte. Sarah, t'as bossé toute la journée, toute la semaine, tout le mois même sur des sites de rencontres avec Enzo, coiffeur, Levallois-Perret, c'est une petite ville là, à côté de Paris, où il n'y a que des blindés, je vous le dis. Comme ça c'est fait. Justement, il a un petit salon là-bas, ça fonctionne bien pour lui, il est beau gosse, bref, il a tout pour lui. Tout ce que vous n'êtes pas. Sauf sa voix, hein, puisque du coup, quand on l'incarne, tout de suite, ça déchante. Surtout qu'on a des figures imposées, puisqu'on va draguer des nanas que t'as pu. Rencontrer sur les sites. C'est quoi les figures imposées? Puisque alors, durant l'appel, on a 3 minutes pour avoir un rendez-vous, on est obligé de faire des dosses. Ouais, alors ce soir, vous allez être obligé de téléphoner en pissant. On va entendre un bruit de pipi. D'accord, genre ça. Voilà. Vas-y. Ah, c'est un bruit de paix, ça part. Ah, voilà. Oh, très bien. Ça, en discutant, temps. Normal. Vous allez parler en pleurant. À un moment donné, vous parlez, là, vous chialez. Voilà. D'accord. Ensuite, il y a aussi faire le rire machiavélique de Claude Alexo. Ça peut dégoûter. Et ensuite, intervention surprise d'un chroniqueur à tout moment. Toi, Sylvain, tu peux intervenir sur Rico à tout moment et Rico sur Sylvain à tout moment. D'accord, à tout moment. Et c'est one shot. One on a shot. 15 secondes, on peut 15 se donner. 15 secondes, tu fais ce que tu veux. Tu sens le rat, frérot. Ah, là, là, là, là. Elle va dire non. Putain, celle qui vient de partir, elle est dégueulasse. Bah, voilà, c'est d'accord. Ça. D'accord. Ok, on peut intervenir. C'est la battle de séduction. À vous de juger qui est le meilleur séducteur. On va se faire aussi de l'amitié fake. Une minute de spot. Vous pouvez chronométrer, je ne mens jamais. Une minute, top chrono. Et bon, on fait la battle de séduction. C'est parti. votre radio préférée. Vos hits préférés, ici. Ici, c'est Énergie. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. It's music only. Big Flo et Oli sont de retour. Big Flo et Oli. Découvrez la vie de rêve, leur tout nouvel album, avec les tubes, demain. Et plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Big Flo et Oli. Big Flo et Oli. La vie de rêve, leur nouvel album déjà disponible. Vous allez gagner 10 000 euros de cadeaux par jour sur Énergie grâce à Cdiscount. C'est Manu dans le 6-9, soyez les bienvenus, on va bien démarrer la journée. Écoutez Manu dans le 6-9 de 6h à 9h30 sur Énergie. Vous voulez des dizaines de cadeaux pour Noël? Manu et Cdiscount vous les offrent. Euros de cadeaux par jour à gagner avec Manu et Cdiscount. Mesdames, planquez-vous face à face. Sylvain le lourdeau. Un petit dîner en chandelle, toi et moi, autour d'une petite plâtrée de tagliatelle saumon. Face à Rico, le gospo. On ira là où le vent nous mène. Où ça ? Vas-y. Vers un petit moment sympa entre nous. C'est la battle de séduction sur Énergie. Eh oui, on est là du lundi au vendredi, 20h-23h. Sylvain, tu passes le premier appel. Tu es donc Enzo, ce coiffeur de Levallois-Perret. On va chez qui, Sarah ? On va chez Elsa. Alors ne vous inquiétez pas si ça ne sonne pas. Sarah appelle d'abord avec son téléphone et on fait une conférence via le standard parce que les nanas ne décrochent pas en masqué. Sarah, tu me dis quand c'est bon ? Tu me dis quand elle décroche, je mets en ligne. Ça sonne. Ça sonne. On va chez qui, tu m'as dit ? Elsa. Elsa. Elsa, d'accord. N'oublie pas tes figures imposées. 3 minutes pour séduire. Bonjour. T'as un Zaza, tu vas décrocher. Allez Zaza. Allez. Elle vient de m'envoyer un texto en plus. Elle se fait désirer. Oh là là, elle se font désirer. Oh là là, Elsa. Oh là là, Zaza. C'est chaud, Elsa. Oh là là. Oh là là. Ouh là là là là. Oh là là, Sarah. C'est toujours la même histoire avec toi. Ah putain, mais elle vient de m'envoyer un message. Elle vient de m'envoyer un message. On va aller chez Halima du coup. Chez Halima. Oh là là. Sarah, tu vas t'y filer un peu. Mais appelez-les même au masqué, elles vont répondre les nanas. Non, elles répondent pas. Mais arrête. Donc vas-y, on tu réponds va. Pas toi en masqué. Non, je réponds pas en masqué. T'as quoi à cacher? Plein de choses à cacher. On va chez Halima. Ok, on va chez Halima. C'est parti. Allez, et je suis sûr que pendant que tu vas appeler l'autre, là, ça va te faire. C'est sûr, c'est la vie ça. Ça sonne? Ouais, ça sonne. Halima. Halima. Ok, 3 minutes pour séduire, mon Sylvain. Ok, t'es chaud? Ouais, je suis chaud. Non, je te sens froid. Tu sais. Oh putain, là, ça. Allez, oh là là. Oh là là. Elle m'envoie des textos en plus, ok. Qui, Elsa? Non, Halima et les deux, elles m'ont dit ok, on est... Halima? Oui. Comment tu vas, toi? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, c'est le Père Noël. C'est le Père Noël? Là, tu me ramènes quoi comme cadeau cette année? Ah ben, ce que tu veux. Déjà, moi. Hein, ça te plaît ou pas? De quoi? Ça te plaît? La photo, elle te plaisait? Quelle ton photo? Ton petit cadeau, il te plaisait? Ton petit, bah, ah ouais le cadeau, la photo du... Je parle de jouet, c'est moi, forcément. De quoi? Bon, bref, passons. Non, non, non, je rigole. Non, non, je disais, le cadeau, le Père Noël, c'est moi, le cadeau, c'était moi. Ah, ok. Voyez, c'est monté à la CAF. Non, je rigole. C'est monté à la CAF. À la carafe, la tête. Ah. Non, non, là j'ai quelques petites expressions, bon, forcément, non, c'est compliqué. Ça va toi, t'as passé une bonne journée sinon? Oui, très bien, et toi? Ah bah écoute... Alors, tu chantes tes merdes. Hein? Oh. Ah, le thé, là, j'ai pas arrêté de boire du thé, là, aujourd'hui, c'est une galère. Oui. Ah, le thé, j'entends ça. Ah ouais, le thé, c'est... Bah, tu connais le thé, hein. En plus, je prends du 100% nature, là, je peux te dire que t'arrêtes pas de pisser. Oh là là, c'est une galère. Oh là là. T'en bois du thé, toi? Non. Non? De l'eau, c'est bien l'eau. Ouais, mais l'eau, c'est bien, l'eau. Ouais, c'est vrai. Mais... Et dans 30 ans, il n'y en aura plus d'eau. Hein. Comme dirait JCBD. Mais frérot, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mais putain, t'as pissé partout par terre, là! Mais t'es sérieux, là? Ouais. En plus, notre salope qui vient de partir là. Ferme-la. Oh là là, t'es là. Tu la cunnes, j'ai entendu des bruits partout. Et là, t'es en train de pisser partout là. Avec tes gouttes là. Bah, attends. Ah, il est jaloux. Hey, tu vois, dès que je suis avec quelqu'un, il est jaloux. Putain, mais tais-toi, toi. Oh là là, c'est incroyable. Je te supporte plus, mon frère. En plus, là, je l'ai associé avec moi dans la boîte là. C'est compliqué en ce moment. Je peux te dire, je suis obligé de le payer. Il fout rien en plus. Il fout que dalle. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Attends, juste 30 petites secondes, n'écoute pas, merci. Ah non, bah attends, moi j'ai envie de te parler depuis le temps. Tu fais quoi? Allô? Tu fais quoi? Tu m'oublies? Oui, ne quitte pas. T'es en train de m'oublier, toi. Ça y est. Tu passes à autre chose. Je le sens. Je sens que tu passes à autre chose. Je le sens. Tu veux plus de moi, ça y est. T'as raccroché? Ah, t'es mauvais. T'as accroché ou pas? Allô? Allô, y'a quelqu'un dans la boîte ou pas? C'est mort. C'est mort. Oh là là! T'es mauvais, mon frère! Mais au début, c'était gagné! T'es parti, t'as nagé! T'étais mis en eau, j'ai pas compris! Ouais. C'était gagné au début! Ouais. C'était gagné! J'ai pas compris ce que tu m'as fait! Comment ça? Allez, c'est à mon tour de te mettre une branlée, gam gam! C'était gagné l'histoire! Pas compris ce que t'as fait là! T'as attendu, t'es mauvais. T'attends là. Oh là là, écoute-moi ça plutôt. Happier Jane. Vous êtes dans le Rico Show sur Energy, 20h-23h. C'est la battle de séduction avant de parler des amitiés fake. Et Sylvain était mauvais, mais alors mauvais. Oui, on nous dit j'ai trop kiffé quand Emeric est intervenu pour faire le frère relou, nous dit Sandra. Et puis Elisabeth dit je crois que ce soir c'est la pire drague que j'ai jamais entendue. J'en peux plus. Sylvain, elle a tellement été mauvais qu'elle a trouvé un prétexte pour couper le micro et pour moquer de lui, j'en suis sûr. Il est vraiment nul. Sylvain nous dit Betty, ça balance. Comme d'habitude, nous dit Mariam en anglais, as usual. Oui, je m'y suis mis. Non, mais Sylvain, il est mort dans le game, qu'il n'y pense même pas la victoire, car il est très loin, nous dit Amélie. En plus, il y avait tout qui était bon pour que tu pécho. Elle est arrivée, mais non, elle est grave. Franchement, bien. Elle te tendait les bras, poteau. Ouais, attends, tu t'es mis tout seul frère, dans le jus. Ouais. Mais t'es sérieux, la piste, le frère que tu choisis après derrière. Eh ben, je vais te montrer. Je vais te montrer, puisqu'effectivement, je dois rire trois fois, je dois pleurer une fois, et il y a également le pipi en direct, et Sylvain qui devra passer. Ok, les amis, tout ça en 3 minutes, en tentant d'avoir un rendez-vous. On va chez qui, Sarah ? Chez Carla. Très bien, tu passes ton appel, dès que ça décroche, tu me dis, je mets en ligne au standard, d'accord ? Yes. Carla, les amis qu'on appelle, et on espère qu'elle va décrocher. C'est pas la femme de Nico. Ouais, ouais. Alors, ça sonne pas parce qu'on est en conférence. D'accord. Allô ? Allô ? Ouais, Carla, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, c'est Enzo, tu vas bien ? T'es en forme ? Oui, oui, ça va. Alors, attends, en fait, je suis en train de partir, là, je vais rentrer chez moi. Est-ce que je peux te rappeler, genre, dans 3 quarts d'heure ? Ah non, j'ai pas les 3 quarts d'heure, là, c'est compliqué. T'as pas 3 minutes pour moi ? Parce qu'après, je dois aller bosser, c'est pour ça que je suis au salon. Ok, attends, je revois à ma page, je te rappelle, dans 2 minutes, ok ? Ouais, vas-y, vas-y. À tout. Vas-y, tes plans, là. Sarah, ah, mais c'est perdu, là. T'es mélange, c'est perdu. Il est con, celui-là. Bah, c'est perdu. Rappelez Sarah. Putain, mais toi, Sarah, tu n'étais pas capable de m'avoir le rendez-vous là maintenant. Pas capable, toute la journée je bosse, mais les sérieux, je vais me casser de ce studio. C'est pas sérieux de nous avoir un rendez-vous, mais tu sais quoi, tu le fais maintenant, tu viens. Oh là là. C'est ouf, oui. Oh là là. Attends, Sarah. Merde, Sarah. Putain, tu. Saoulé. Merci, Sarah. Ça sonne. Elsa. Anna. Anna. T'as les vénères en direct. Allô? Oui. Allô, ça va Anna? Oui. Ouais, tu vas bien? Oui. Ouais, c'est Enzo, ça va? Ouais, toi? Ouais, tu vas bien, t'es en bonne forme? Bah écoute, super. Ah, t'as une voix trop bien, j'aime trop les voix cassées comme ça. C'est vrai? J'adore. Ah ouais, ça te fait rire? Ouais, j'adore, je kiffe les voix cassées, je te jure, je suis comme un ouf. Ça va toi? Ah, à ce point? Ouais, bah, j'adore. Écoute, super. Je te jure, parce qu'en fait, tu vas me prendre pour un ouf, mais j'ai vu une voyante il y a 2 mois. Mais je te jure, c'est ouf, t'as. Excuse-moi, c'est nerveux. J'ai vu une voyante il y a 2 mois, je t'explique. Je pars à Dakar, voyage d'affaires. C'est un truc de ouf. Et elle me dit quoi? Elle me dit, ta prochaine meuf, elle a la voix cassée. Non mais c'est une blague. Sur la tête de ma mère, je suis comme un ouf. Je suis comme un dingue. Non mais je te jure, t'as, j'y croyais pas. J'apprenais pour une ouf, elle avait des coquillages, des dents de crocodile et tout. Le délire. Attends, je vais pisser dessus. Quand même. Attends, je te jure, je vais pisser dessus. Oh là, j'en peux plus. Oh là. Non, bah, c'est pas. Oh la crampe. Oh, je te jure. J'entends quoi là? Ah bah excuse-moi, il fallait. Non, mais c'est une blague. Non, je te jure que non. Mais attends, non, je te jure, c'est une histoire de ouf. Mais en fait, c'est non, que. Non, mais t'as pas fait pisser dessus là? Non, j'ai fait pipi aux toilettes, t'inquiète. Ah ouais? T'inquiète. Ah quand même, hein? Ah ouais? Attends, mais c'est un truc de fou, t'as. Je vais te dire, là, j'ai réveillé toute l'appart, j'ai réveillé toute la famille, c'est sûr. Ils sont comme des oufs. En plus. Ah ouais? Putain, c'est magique. Ah ouais, d'accord. Oh là là, c'est bien parce que, en photo, t'es un peu calme, t'es très beau, très posé. Ouais, je te jure, attends. Oh putain, je suis comme un ouf. Excuse-moi, je suis pas. Non, faut pas. Enzo, tu fais quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu t'es pissé dessus, regarde le caleçon, t'en as plein de caleçons. Mais non. T'es un ouf, toi, arrête. Et ça, la Doran, elle va arriver, tu es en train de te pisser dessus comme ça. Il est jaloux. Il est plein de pisse, le con. Mais c'est dégueulasse. Allez, tu me dégoûtes. Mais allez, tire-toi. Ouais, je pète une couche. Oh là là. je t'explique, j'ai un frère, c'est un ouf. C'est un ouf. Il entend. Ah bon, d'accord. Ah ouais, il entend tout en fait, c'est pour ça. Non mais il faut que je me remette de mes émotions, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai pissé. Et je me fais engueuler par mon frère, j'ai... Attends, mais t'imagines? Non, j'imagine pas, non. Ah, c'est un truc de fou, cette histoire. Non mais c'est vrai, je te dis, j'ai vu une voyante, elle m'a dit, t'auras une nana qui a la voix cassée, je la croyais pas. Parce que je l'ai vue il y a un petit moment, elle m'a dit, fin 2018, on y approche là. Ah mais ouais, on est dedans là. Ah ouais, faut qu'on aille boire un café, je te jure. Faut qu'on se boive un café tous les deux. Ça me ferait plaisir. Bah... Non sérieux, je t'invite, il faut qu'on discute. Faut pas passer à côté de ça. Ah bah écoute. Hein? Bah écoute, je sais pas. Bah écoute, je t'invite, on essaie de se faire ça ce week-end tous les deux. Bah ouais, vers le salon. Bah ok, on fait ça, ça marche. Ok, bon bah je te rappelle. Bah écoute, avec plaisir. Ok, on fixe D'accord. ça. Je te rappelle, okay. Je t'embrasse, bisous. Pas de soucis. Bisous. Excusez-moi, c'est un modèle. Y a pas Excusez-moi, je raccroche. Mais vous êtes sérieux, j'ai rigolé trois fois, j'ai pissé, j'ai rigolé, j'ai tout fait, les gars. Ouais. C'est qui le patron? Arrêtez d'applaudir, vous. Mais arrête, c'est une correction. J'ai tout placé, j'ai rigolé. J'ai rigolé, j'ai sorti la voyante, j'ai pissé, j'ai mis le frère, j'ai pleuré, j'ai tout fait, les gars. La monnaie. Sarah, tu les casses, j'en suis sûr, Sarah. Mais arrête, tu les casses. Il y a deux secondes, il était en train de chier sur son travail. Et là maintenant il dit mais tu les caches, j'en suis sûr. Ouais, surtout prétexte. Pour elle c'était pas lui à la base, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Là c'est victoire à l'extérieur 3-0. Ah ouais, mais là facile. C'est bon là, vous allez payer la fin du mois. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez sur Snap RICO Energy 0800 70 42 48 hashtag Ricochet sur Energy. On parle des amitiés fake. Et ici croyez-moi qu'il va y avoir du sang. Dajou, Lyon. Oh là là, le modèle à montrer dans les écoles. Les écoles de drague. Faut le montrer à tout le monde. Un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Tu peux lire sous ses paupières déterminée. Elle agit, elle ne parle pas, Lyon affamée. Si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord, elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. Très bien comment gérer sa vie. Charismatique, elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. À tout assumer. Toutes les fois où Allez les amis, ici on est en deuil hein. Je vous le dis, Sylvain est colère. Sylvain est colère après la branlée qu'il a prise. C'est Rico Show. Il s'appelle Aymeric Bonnery. Son surnom, c'est Rico. Et vous venez d'atterrir dans le Rico Show sur Énergie. De 20h à 23h. Les votes sont lancés dans cette battle de séduction. JM, avant qu'on fasse les amitiés fake, t'as un petit mot. Ouais, franchement, dommage qu'on soit à la radio, sinon on aurait fait une minute de silence, je crois. Ah, ouais. Ah c'est bon. Oh, il est mauvais. J'aimerais bien te voir, JM. Mais quand tu veux, frérot. Franchement, quand tu veux. Ça parle, ça parle. Mais c'est comme les Marseillais, ça. T'es mauvais. Gueule, bah. Qu'est-ce que tu veux, gros. Je vous rappelle qu'on parle des amitiés fake. Hein, vraiment, le grand gueule, comment il est sorti du cœur. C'est pas, oublie pas que c'est pas contre moi que t'as perdu. Juste ça. Ah bah. Prends-toi zéro à la bonne de personne. Hein. Et avec toi, je ferme les yeux. Hein. C'est gagné d'avance. Ouais, c'est ça. Oh là là. Monsieur 100%, ouais. Ouais, 100%, mon père. Oh là là. Oh, j'aime bien. J'aime bien. D'autant qu'on parle de l'amitié. Je vous explique ce qui s'est passé. En fait, il y a une étude qui est sortie concernant l'amitié. 53% des amitiés sont pas réciproques. C'est-à-dire que vous pensez aimer une personne à une certaine hauteur et l'autre, en fait, ne vous renvoie pas autant d'amour. Je vous explique. En fait, on a fait un questionnaire avant l'émission. Vous avez dû noter de 0 à 5 l'amitié que vous aviez l'un pour l'autre. Oui. Sarah, elle a dit, voilà, si vous mettiez 0, je ne connais pas cette personne. Si elle met 1, c'est connaissance. Si elle met 2, c'est une relation. Voilà. 3, amis. 4, très bon ami. Et 5, famille, comme ouais, un frère. Et de 0 à 5, il y a eu des notes. Et toi, par exemple, tu as dit, voilà, Sylvain, pour moi, c'est un ami, tu mets 3. Moi, ce que j'ai demandé à Sylvain, c'est de dire, Sylvain, à ton avis, Sarah, elle va te mettre quelle note? Ah ben ouais. Et on va voir si vous êtes d'équerre sur le niveau d'amitié, ouais, si vous vous renvoyez le même amour. Bah est-ce que tu penses, Sarah, aimer Sylvain ou considérer Sylvain autant qu'il te considère? Ouais, franchement, ouais. Ouais. Ouais, je pense vraiment. D'accord, j'ai les résultats dans l'enveloppe. JM, est-ce que tu penses que la façon dont tu considères Sarah et Sylvain est réciproque de ton côté? Bah ouais, je pense. D'accord. J'étais sincère. Oh, voilà. C'est un petit peu comme si vous demandiez à votre meuf, voilà, vous, il y a un petit carton, je t'aime un peu, passionnément, à la folie, éperdument, etc., avec une échelle de 0 à 5 d'intensité, et qu'elle mettait 4 sur 5, et vous, derrière, vous mettiez 3 sur 5. Ouais. On va voir si effectivement il y a le même niveau d'amour. Oh, y a, y a, il faut créer de Ça a été fait, Sylvain. Tu cherches à changer de chroniqueur ou quoi Non, je sais pas, vous êtes des amis, moi, il n'y a pas de chroniqueur. Attends, on a vous êtes une équipe, vous êtes une équipe. Je vous aime. Allez, vous savez que je vous aime. Vous avez ramené de la tambouille. Sarah, il lui manquait les deux dents de devant. Je lui dis, vous la connaissez avec les dents de devant. Elle donnait ses dents sur le schéma en Inde. Non, mais c'est pas une vanne. Sylvain, j'ai ramassé, montré sa teub dans toute la France. C'est bon. Non, je vous le dis, il faisait les dieux du stade. Il était au bord du soufre. Du soufre. C'est vous dire. Le gouffre, c'est quelque chose, mais le soufre. Je souhaite à personne. Tu parles comme lui en plus. Ouais, il est là. Je jure, c'est fou. Oh là, c'est fou. Non, c'est vrai, on s'est croisé à l'orthophoniste avec Sylvain. Tu veux pas faire un peu de radio? Mais c'est vrai. Les amis, vous venez 0870 42 48. On parle des amitiés, sont-elles réelles ou non? Je vais vous donner des signes qui vous permettent de savoir justement si l'amitié est véridique. D'accord, les amis? Ouais. Ok. On va prendre aussi Marie qui est là. Ça va, Marie? Salut le Rico Show, salut toute l'équipe. Salut ma poule, merci d'avoir fait le 0870 42 48. T'habites où, Marie? J'habite à Paris. D'accord, très bien. Et Marie, toi, tu penses être victime d'une fausse amitié, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai des gros doutes et je me pose de plus en plus de questions sur ma relation que j'ai avec une très bonne amie à moi. D'accord. Et ça fait 3 ans qu'on est amis, mais j'ai l'impression qu'elle m'appelle souvent que quand ça va pas. C'est une personne assez instable dans ses relations, elle enchaîne les conquêtes, elle se fait des amis en 2 secondes, sur l'instant, ça dure pas. Je suis un peu la seule amie où la relation dure, mais elle m'appelle souvent que quand elle a un chagrin d'amour, quand ça va pas, ou quand elle a besoin de thunes. Ouais. J'ai déjà passé pas mal d'argent, mais elle m'a jamais rien remboursé jusqu'aujourd'hui, voilà. Ah ouais, mais ça, Marie, t'inquiète pas, c'est le lot de toutes tes amitiés, de se poser des questions. Ouais. Moi, j'ai les réponses, les amis, j'ai les réponses. Par exemple, un faux ami n'appelle jamais de façon totalement désintéressée. Tiens, tu parlais des appels, Marie, on y est. Justement, un faux ami appelle seulement quand il a besoin de quelque chose. Non, pas de l'argent, ça serait trop gros. Généralement, c'est un avis ou de l'aide. Tu sais, de l'aide, est-ce que tu peux m'aider? J'ai un déménagement, un truc, il demande pas de l'oseille directement. En fait, il te rend un service en espérant que tu en rendes un meilleur. Purée, j'ai l'impression que je suis comme ça, je te jure, c'est horrible. Non, mais je viens de me remettre en question. Mais t'es comme ça. On va en parler, les amis, j'ai pas mal de signaux. Appear. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. Le Rico Show débarque. Eh oui les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. On parle d'amitié, on débat. Marie pense être victime d'une fausse amitié. Ça tombe bien, on va lui donner les signaux. Elle disait qu'elle avait beaucoup d'appels. Mais justement Marie, t'as raison. C'est un petit peu ça. Lorsqu'on appelle pour demander des services, comme ça tout le temps, pas de l'argent grossièrement, mais quelque chose comme ça d'assez concret, c'est qu'effectivement déjà on n'est pas dans le coup. On n'est pas dans le coup. Donc déjà on avance sur ça, Marie. On a aussi les faux amis, vous apprennent toujours les bonnes nouvelles après tout le monde. Comme c'est important. Il se passe quelque chose de positif, vous le savez après. Grave, et après ils font ah bon, t'étais pas au courant. Ah, t'es pas au courant. Et alors que tu es le dernier à le savoir. Mais non. T'es pas au courant. J'ai réussi à avoir la super salle pour mon anniversaire. C'était la semaine dernière. Désolé, j'étais trop pris. Tu sais, j'ai eu les emmerdes il y a un mois où tu m'as aidé. Oh là, j'ai besoin de m'aérer la tronche. Du coup, j'y ai pas pensé. Et il y a plus de place sur la liste. Ah ouais, il y a plus de place. Désolé. Non, c'est pareil. J'ai que deux places pour aller là. Mais c'est horrible, ça n'existe pas ça. Mais bien sûr que si. C'est-à-dire que quand t'es dans le dur, bien sûr ils t'appellent, mais dès qu'il y a des choses un peu positives, c'est que pour leur gueule et ils oublient de rétribuer, de dire voilà, t'es un ami dans le bon, mais aussi dans les mauvais moments. Moi par contre, quand il y a des bonnes nouvelles, c'est vrai que je le dis pas moi à mes bonnes amies, parce que j'ai peur qu'on me porte l'œil. C'est tout. Mais pourtant c'est mes vrais amis. Oui, mais des bonnes nouvelles qui peuvent impacter les autres. Tu oui, par contre, partage. Je les invite à mes annives, etc. Voilà. Oui. Bah oui. Faut être dans le partage un petit peu. C'est ça, c'est comme ça, ton mec. Faut dans le partage. Mais pourquoi il est là? On dirait un manifestant. Voilà. Il est en full course. C'est vrai qu'il va te jeter un pavé. Dans le partage. Elle bouffe depuis tout à l'heure, elle m'a rien donné. Elle m'a donné juste le sachet. D'accord. Elle est pas dans le partage. Elle. Parce qu'en fait, durant la zig, Sarah a dit tiens, Sylvain mange, c'était le papier d'une baguette. Voilà. D'accord. Et lui, crevard comme il comptait se nourrir sur Sarah. Voilà l'amitié. Marie, on est là-dedans. Est-ce que quand il y a des bonnes nouvelles, cet ami te contacte? Oui, quand même. D'accord, je peux quand pas même. Dire le contraire. Bon, mais quand même, ok, on avance. Le faux ami ne s'inquiète jamais vraiment pour vous. Les gens qui dédramatisent toujours tout ce qui vous arrive. Non, mais c'est pas grave. Écoute, laisse tomber. Tu fais un petit coup de vent là. Ta vie de merde, c'est bon. Tu remets les compteurs à zéro, tu sais. Ouais, tu dis toujours ça. Oh, viens boire un coup. Ouais, mais laisse tomber. C'est toi qui payes par contre. Hein. Trompe ton mec, ça ira mieux. Quoi. C'est la pensée positive, tu vas pas l'enfoncer alors qu'elle est au bout du rouleau. Oulala, mais c'est vrai, tu lui dis tout va bien, passe à autre chose et basta. Oh là là, bah non, tu pourrais lui dire écoute, j'écoute tes problèmes, qu'est-ce qui se passe, j'ai vécu la même situation, t'inquiète, on va remonter la pente ensemble, vide ton sac et après ça ira mieux. Au lieu de dire écoute, tu sais quoi, tu mets tout de côté et tu sors. Est-ce qu'elle t'écoute un petit peu, Marie, ta copine? Bah, pas beaucoup, non. Bah oui, voilà. Ah oui, bah voilà, bah on y est. Faut toujours une épaule, bien sûr. Et tu vois, tu te rends compte, pour parler à Sarah, t'as dû prendre un faux nom pour passer à l'antenne. Non, je rigole, évidemment. Un faux ami se transforme en une autre dès qu'il est avec vous.

On dit que le temps détruit, mais le temps n'est pas notre ennemi. Parce que plus je te connais et plus je me sens béni. Assez béni pour t'emmener à l'église. Dire au prêtre, oublie le truc où la mort nous sépare. On va rester dans cette vie. On aura plein d'enfants parce qu'il y a que ça qui compte. On dormira en pile et comme des maxi monstres. Je vais enfin pouvoir me poser. La réponse à toutes mes questions s'endort à mes côtés. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Qui le donne à d'autres le paradis? Je n'en voudrais pas. Show. Tous les jours, 20h-23h. Alors, on dit merci qui ? Merci Énergie. Allez les amis, on est là jusqu'à 23h. Ça se regarde dans le couloir. Ça va être chaud puisqu'on est dans un dossier amitié. Ouais. Je vous le dis, où on parle des signes, des signaux qui vous disent que vos amis sont des vrais ou pas. Et il y a justement dans cette étude très précise, il y a un questionnaire de 0 à 5. Vous notez votre amitié. Donc Sylvain a noté l'amitié qu'il a pour Sarah et Sarah a noté l'amitié qu'elle a pour Sylvain. Ça. Et on va voir si c'est réciproque ou pas. D'accord. Ah, d'une note de 0 à 5. 0 c'est je connais pas. Et ainsi de suite, 5 c'est frère quoi, c'est famille. Sylvain. On aurait pu rajouter 6, sex friends. Sex friends, d'accord. Mais il y en a pas dans cette équipe. Bah ouais, t'es sex friends avec qui dans l'équipe, rassure-nous là. Ah, je peux pas dire. Ah merde. Oh, JM, Sylvain, arrêtez. Marie s'inquiétait justement parce qu'elle sait pas si elle vit une fausse amitié. Marie, on a évoqué pas mal de signaux, je vais te donner les deux derniers et puis tu feras ton bilan. Ok, Marie ? Ouais, ça marche. Allez, impeccable. T'as fait le 0800 70 42 48 et puis dans une minute, Sarah Magouille entre en scène. Ça va être énorme. Les amis, un faux ami disparaît dès lors qu'il n'est plus célibataire. Ah ouais. Dès ah qu'il oui. trouve une meuf, c'est-à-dire qu'il était avec vous pour compenser, dès qu'il a une meuf, pam, il se met en retrait et vous le voyez plus venir du tout. Il ne s'inquiète plus de votre situation. Il a trouvé finalement chaussure à son pied et une meilleure occupation que vous. Après tu peux le voir le jour où ton pote aussi il a une meuf, ça n'empêche pas. Bien sûr. Moi je pense que les deux, c'est normal que oui. tu vois moins tes amis parce que t'as trouvé l'âme sœur et ouais. c'est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à quelqu'un de trouver quelqu'un et qu'être à côté. Mais quelqu'un qui t'oublie complètement dès qu'il a une meuf et qui était au contraire à fond en te voyant, c'est un signe que vous étiez un peu bouche-trou. Ouais. Non mais attention, parce qu'après ça peut être aussi à cause de la nana. Ouais. Parce que tu sais, t'as des nanas qui sont un peu tyranniques. Mais excuse-moi, quand tu sors avec une nana, au début, t'es pas tout de suite fall in love. Ben oui. T'es pas amoureux direct. Donc au début, t'as le temps de mettre les limites. Donc c'est que tu les as pas mises, c'est que finalement ton ami ne t'importait peu et que finalement il était pas si important que ça pour que tu places les limites. Ouais, voilà. C'est sûr. Ouais, est-ce que Marie, ta copine, elle a un compagnon ou quelqu'un dans sa vie? Non, elle a jamais rien de stable. Elle est homo. Elle est sympa. Comme l'amitié apparemment. Elle est quoi, pardon, Marie? Elle est homo. Elle est homo et franchement, elle est très très volage. D'accord. Bon, l'un n'a forcément pas de rapport avec l'autre, mais ok. Et en dernier, un faux ami vous invite toujours. Ah non, mais attends, il n'y a aucun rapport. Je sais, Marie, t'inquiète. Non, mais j'ai compris que c'était une étourderie, ne t'inquiète pas, mais je préférais le rappeler. Oui, une étourderie. Ouais. Ne t'inquiète pas. D'accord. Un faux ami vous invite toujours à la dernière minute. C'est-à-dire, vous êtes en bouche-trou. Eh, tiens, Marie, qu'est-ce que tu fais? Pam, tu viens en soirée. Ah, t'es la dernière fois du carrosse. Voilà. Tiens, au fait, il y a apéro, quoi. Non, voilà. Tu vois, là, il a un plan en soirée. Ouais. Il y a un foireux, il t'appelle à toi. En exactement. Mode, ah, au final, c'est de l'imprévu et tout. En plus, il dit ça, le bâtard, des fois, tu sais. Il arrive, il te dit, putain, c'est de l'imprévu. Me reste une place, là. Qu'est-ce que tu fais dans le coin, Sylvain? Et en plus, tu mets ta carte bleue, tu payes, quoi. Ne t'inquiète pas, Sylvain, je suis sûr que ça t'est jamais arrivé. Marie, mis bout à bout tous ces signes. Qu'est-ce que tu penses de ton amitié là? Ben, je pense qu'il faut que j'arrête de me prendre la tête et que peut-être que je prenne les choses comme elles viennent. Après, fais comme elle. Fais comme elle. Ouais, c'est ça. Protège-toi. Ouais. Comme un couple, quoi. Ouais, et peut-être qu'après, elle veut te pécho aussi. Ouais. Non, il n'y a jamais eu de ça. Non. Off, Marie, le nom, je sens fébrile. Ouais. Entre deux verres, des fois, elle a tenté, elle a mis la main au panier. Non, je te promets, non. Bon. Non, je suis honnête avec moi-même là. Bon, non. écoute, Marie, on te souhaite le meilleur. Et il y a Hello qui veut te dire un dernier mot. Ça va, Hello? Oui, bonsoir, Loïc. Salut, ma poulette. Salut. Alors, avant de dépouiller justement le questionnaire pour voir si vous avez la même amitié l'un vers l'autre, je sais que vous êtes tous très stressés. Est-ce que ouais. Sylvain aime Sarah comme Sarah aime Sylvain? Est-ce que JM aime Sylvain comme Sylvain aime JM? Ouais. C'est la question qu'on se posera. Pour l'instant, Elodie, tu voulais conclure, t'as écouté Marie et tout ce qu'elle a dit depuis le début. Toi, t'as vécu une fois sa amitié, qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Oui, en effet, moi j'ai vécu à peu près pareil, sauf que bon, en gros, moi, je me suis rendu compte au bout de quelques années que l'amitié était que dans un sens. Elle me faisait pas partager ses bons plans et moi, dès que j'en avais, ben, forcément, elle était là. Ce genre de petite anecdote comme ça, et c'est vrai que je m'en suis rendu compte trop tard. Ouais. Mais j'ai réussi à m'en rendre compte et je m'en suis détachée. Après, peut-être qu'elle devrait prendre ses distances. Bien sûr. Ah ben c'est ça, ouais, c'est ça. Ah oui. Chacun pour sa pomme, quoi. Ouais. Prendre un peu ses distances et se préserver, quoi. C'est dommage, c'est perdre du temps, quoi. Mmh. Bien sûr. Moi, je suis d'accord avec Elodie. Façon, avec tous les signaux là qu'on a eu, j'ai vu que t'as pas recoupé, donc c'est qu'il y a un doute. Essaye de laisser un petit peu de temps à ta pote et ah, puis. Ah, ça c'est sûr. De toute façon, là, t'es prémunie, t'as toutes les infos. Ok, Marie, tu nous tiens au jus, d'accord? Ouais, pas de soucis. On t'embrasse, Marie. Plein de bisous. Merci d'être passé. Merci, Marie. Plein de bisous, on t'aime. Bisous Maëlo, merci d'être venu pour Marie, vraiment. Bisous. Bisous, bonne soirée. Bisous Maëlo, je voulais vraiment que tu puisses conclure avec ça, vu que t'as vécu ça. Le questionnaire fait trembler, les amis. Sarah Magouille arrive, les amis. Je sais que t'as rendez-vous pour le temps là-bas. Et je sais que le gars est déjà là. Alors, le gars est déjà là, hein. Faut que je fonce, donc fais vite ton truc de l'amitié, parce que d'accord. Le gars m'attend, il pense que je suis agent immobilier. Moi, t'es pas obligé de le faire, hein. On va savoir si Sylvain aime Sarah comme Sarah aime Sylvain, si JM aime Sylvain comme Sylvain aime JM. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de différences entre vos amitiés. Mais déjà, non. Et je pense que l'émission va être à sac. Jane sur Energy, on est là jusqu'à 23h. Et puis Sarah Magouille derrière, concept de ouf, les amis. Avec Sarah, c'est énorme ce qui va se passer sur Energy. To look down at your things gonna be Sarah Magouille arrive. Imaginez

On est là. Alors justement, on est là. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, on a un droit de réponse. Merci. Ouais. Avec JM, en plus, moi, je lui ai toujours dit, on avait fait un débat sur l'amitié. C'est vrai qu'en dehors, on ne se voit pas. On est d'accord. Mais pendant un an, on s'est ramené tous les soirs. Ouais, voilà, comme ça, c'est pas bien. On se confie, c'est etc. C'est pas bien. Encore là, je m'en bats les nouilles. Mais pour moi, j'ai une question. Est-ce que cette note d'amitié, elle n'a pas été faite parce que vous pensiez que JM, il n'allait pas mettre ça? Franchement, ouais. Ah, le mytho! Je te le dis, pour moi, JM, je sais pas s'il me considère comme une amie, sachant qu'on se voit jamais à l'extérieur, etc. Ouais. Donc je me suis dit, je vais mettre comme lui, je vais pas m'aventurer à mettre ami ou frère et m'afficher, tu vois. Très bien. Pour très moi, bien. Je me considère pas comme une amie. Les amis, Sarah Magouille arrive. Ah, vous me dites ce que vous pensez de ça. C'est dans le style. Vous me dites ce que vous pensez de ça et JM a son droit de réponse. Il va parler. Oh, il va préparer son droit de réponse. On tout met Chalo. Tout est dit. JM, je veux que tu penses à cette chanson. Je veux pas répondre. Je veux pas. Que tu penses à l'amour que t'as donné en vain. Ouais. À Sylvain. Non, mais j'ai à Sarah. Et que tu saches que moi, je serai toujours là pour toi, JM. Je sais bien. Ainsi que pour vous, ceux qui nous écoutez. Et vraiment, je veux que tu les masses au pied du mur. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. Sometimes I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? So hardcore, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Son appartement est alloué à un jeune homme qu'elle tentera de mettre dans son lit. En réalité, cet appartement appartient à son mari qui va débarquer en pleine visite. Fou de rage. Attention, Sarah Magouille est en pleine action sur Énergie. Eh oui les amis, on est là jusqu'à 23h. JM va avoir son droit de réponse sur l'amitié. Allez. C'est vrai, Sylvain va nous parler aussi. C'est très très chaud. Les amis, Sarah, on va se connecter avec elle en direct. Sarah qui part là, qui part pour justement le studio. On va faire tout ça avec lui. Il y aura pas mal de choses. Il y aura de la boîte à dodo, il y aura de la tweetbox. Il y a vous, 0870 42 48. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah, dans les couloirs là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi elle est pas partie? Elle est pas partie. Pourquoi elle est pas partie là, Kadour? Pourquoi elle part pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ça? Pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu pars pas pour la meuf? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Avec qui? Le gars, il était en bas, il s'est barré. Qui, le mec du... Oui, le mec de l'immobilier. Pourquoi, t'es au téléphone? Attends, deux secondes, s'il te plaît. Deux secondes. Oui, excusez-moi. Oui, bonsoir. Je t'attends depuis une heure, moi je me suis barré là. Il est 22h, j'ai pris un taxi, je suis pour rien. Écoutez, je suis désolée. Est-ce qu'on peut remettre à demain? J'ai eu un imprévu là à l'agence. Est-ce qu'on peut remettre à demain, s'il vous plaît? Et vous pouvez pas m'appeler avant? Écoutez, j'ai eu un problème avec un client. Écoutez, monsieur, je suis désolée. Est-ce qu'on peut remettre demain à 22h? Non, pas plus tôt, non, c'est pas possible. Alors non, non, non. Moi, je quitte l'agence. J'ai d'autres visites à faire. Voilà, 22h, ce serait l'idéal, vraiment. Putain. Sûr ou pas? Oui. Là, moi, je fais plus en aller-retour pour rien. Alors, c'est sûr. C'est sûr. Garde-lui, il a l'air bien con. Ouais. Je suis désolé, vraiment, je suis désolé, monsieur. Vraiment. Ok, vraiment. C'est bon. D'accord. Okay. Bon. Merci, je vous dis à demain. Je vous enverrai un mail de confirmation. À demain. Bravo Sarah pour ce rendez-vous, on peut l'applaudir, bravo. Bravo. Ah, Tinder, les rendez-vous, ça va toi hein? Purée, mais c'est pas de ma faute, on parlait de l'amitié. C'est jamais de ta faute. Le mec il était dans T'es pas inamifiable, d'accord T'es une personne qui nous amène des échecs sur Tinder. Mais je suis Sarah Magouille. Non mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le délire? Bah, le gars en fait il s'est barré, il était en bas, ça faisait au moins, je sais pas, une demi-heure qu'il attendait, il caille dehors. Il faisait Tu lui as donné rendez-vous à 22h? Ben oui, je lui ai donné rendez-vous à 22h, moi je peux pas répondre. Elle est pas fiable, tu vois. Non mais tu veux que je lui dise quoi, le gars? Bon, on fera demain Sarah Magouille, concept tout neuf, les amis, demain on aura Kenji. On fera ça. Elle ira voir justement la personne pour louer son appartement. Sauf qu'au final, Sylvain va venir et elle s'amuse avec les petits jeunes. Ouais. Parce qu'elle compte les péchos en leur faisant croire que leur dossier a de la valeur. En plus, il est pas mal, lui. Vous m'avez gâché mon date. Oh non, non. Écoute, on se fera ça demain à 10h. Hein. Ouais. Sarah Magouille est là. Et puis, les amis, pour le ricochon, inscrivez-vous. Écoutez bien. Il s'apprête à fêter le nouvel an avec vous pendant plus de 10 heures en direct sur Énergie pour un moment magique et unique qui s'annonce inoubliable. Alors notez ce qui va suivre pour assister à l'événement de cette fin d'année le 31 décembre, ici même à Paris, dans les locaux d'Énergie. Eh oui les amis, c'est complètement ouf cette histoire. Ouais, ouais, ouais. Franchement, ça va être trop bien le jour de l'an. Venez, ricochopublic@gmail.com. Je suis désarçonné, Sarah. Je voulais faire le concept. Mais moi aussi, je voulais le faire, mais c'est pas de ma faute. On parle de l'amitié, vous me blâmez, etc. Moi, je voulais aller m'amuser avec lui. Ouais. Non, mais attends, plutôt que d'être avec vous. Tu souhaites réagir justement à cette amitié? À l'amitié, ben, l'amitié, puisque je vous rappelle, si vous nous rejoignez, que Sylvain et Sarah ont mis une note de JM de 2 sur 5 sur leur amitié. Ouais. Et JM, lui, a mis 4 sur 5 concernant leur amitié. Non, mais tu vois, je pense que ce plan foireux résume notre amitié. Ouais. Elle est foireuse, quoi. Je suis dégoûté. Tu vois, voilà. Je vais rentrer chez moi tout à l'heure, je vais pleurer. Bah, je suis d'accord avec toi, JM. Moi je serai toujours là, ne t'inquiète pas, j'aime l'essentiel, c'est que les auditeurs t'apprécient. Oh, merci. Et en plus tu apportes ton expérience de 6 ans de radio tous les soirs. Merci. Oh. Ils sont jaloux les deux, t'inquiète pas, j'aime. Moi je t'apprécie beaucoup. Ils sont sérieux ou quoi? Voilà, ça tombe comme la graine. Je pourrais t'appeler Rico ce ouais, soir. Tu peux m'appeler. Tu peux m'appeler, il y a pas de souci, tu paieras ton resto. Une augmentation, ouais. Plaisir. Non mais c'est vrai franchement. Non, mais par contre, on n'a pas entendu Sylvain sur ce dossier. Ouais, Sylvain sur ce dossier houleux. Non, mais attends, moi je vais t'expliquer, JM. Ouais, ouais, dis-moi. Regarde, en 1, il y a connaissance. Ouais. En 3, il y a ami. Ouais. Donc là, t'es sur la pente. Montante. Genre, il doit gagner ton amitié. Et je lui ai payé un café il y a deux jours. Hein. Ouais. J'ai l'impression que JM, de son côté, t'es sur la pente descendante. Ah ouais, ouais. Tu vois, là, il y a 5, là, il y a 3, il y a 0. Oh putain, les amis, on va se mettre égo, 2 AO. Et il y a l'appel police qui arrive là, il est fantastique. Ouais. Je me fais passer pour un policier, vous êtes en garde à vue, vous avez des objets coquins en votre possession. Et du coup, les amis, je balance tout à votre mère qui doit justifier les objets coquins pour elle. Tout simplement. Bah oui, les objets m'appartiennent. Sinon vous sortez pas de garde à vue. Alors est-ce que votre mère va se sacrifier pour vous? Réponse après Zaou. It's never your fault. The bang bang bang. Banks and ranks on the ball. Zaou. Aho. C'est action vérité. T'aimer ou te quitter. Et l'histoire est sans cesse répétée. Qui commettra la faute? Qui de nous deux claquera la porte? On dirait bien que l'enfer c'est les autres. Et très doué à ce jeu. Amour belliqueux, c'est quand nos cœurs se consument à petit feu. On se renvoie la balle et tout redevient normal. Jusqu'à ce que tu tires là où j'ai mal. Tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a. Stupidity is incredible. Try lock you up for your rage and staple. Bull be a stun like them name carnival. Do your bad things that I feed them ego. Turn around, tell them I'm your real amigo. Bad problem, bad problem. C'est pas ta faute. Ce n'est jamais de ta faute. Ce n'est jamais de ma faute. Remballe ton nez. Allez, c'est le canuit. Arrêtez tout. Écoutez, tout le monde est en danger. C'est le canuit, le canular de la nuit sur Énergie. On passera 10 heures ensemble. Vous pourrez venir embrasser JM, Ricochet au public à gmail.com. Beaucoup de messages de soutien pour JM. Rico Énergie, pardon. Rico, R-I-C-O Énergie sur Snap. Vraiment, t'as beaucoup de soutien, mon JM. Léa, t'es dit, on t'aime, JM. Mais on sera toujours là pour toi. Je suis déçu pour lui, on t'aime, JM. C'est de la calomnie, ça. Bande de corbeaux que vous êtes. Allez, c'est le canuit. Valentin, on va piéger ta mère. Ça va, Valen? Ça va et toi? Écoute, en bonne forme. Ça va, mon frérot? Valentin, on va piéger justement ta maman. On t'a chopé en train de vendre des objets coquins. Tiens, t'habites où, toi, Valentin? J'habite à Lille. Très bien. À Lille, où est-ce que t'aurais pu traîner, là? Près du centre commercial? Près du centre commercial à Lille, tout à fait. Bah, très bien. Écoute, nickel. T'as vendu des objets coquins sous le manteau qui appartiennent à un braquage. Oui. Alors, justement, toi, tu m'as dit que c'était ceux de ta mère. Donc, j'appelle pour vérifier. Mm-hmm. Si elle dit qu'effectivement, ce sont ses objets, je te libère de garde à vue. Est-ce que ça marche, Valentin? Ça marche, on verra bien. On va voir. Est-ce que tu penses qu'elle va se sacrifier pour toi, Valentin? Je pense, mais avec du mal. On verra bien. Mais... Très bien. Aïe. Bon, bah écoute, on le fait, on y va, c'est parti Valentin. Et puis derrière, évidemment, mon petit poulet, si j'ai besoin de toi, tu lui dis qu'elle doit tout avouer. Hein, on doit vraiment faire croire que t'es en garde à vue. Ok Valentin? Ça marche. C'est parti, on y va, on appelle ta mère. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Latour, je suis officier de police judiciaire. Je vous appelle parce qu'on a eu un petit souci avec votre fils, madame. Comment ça, monsieur? En fait, votre fils était avec quelques collègues et il était en train de proposer des objets là sous le manteau hein, qu'il souhaitait vendre. Donc le souci, c'est qu'on a procédé à un contrôle, évidemment, puisqu'on n'a pas le droit de vendre à la sauvette, vous en rendez compte. Et que ça vient d'être classé par le procureur en tant que recel. C'est pas possible. Vous souhaitez que je le sorte de garde à vue? Oui, c'est possible, oui. Bon. Jeanne, 321. Valentin. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? On chope avec des trucs et tout, mais... C'est bon, ça suffit. Vous êtes là? Oui. C'est bien votre fils au téléphone? Oui. Je peux pas lui parler? Non, pas tout de suite, puisque l'enquête est en cours. Je vous explique. Nous, ce qu'il nous a signifié, c'est que ces objets qu'il était en train de vendre vous appartenaient. Donc, moi, la question, elle est simple. Soit ces objets vous appartiennent et du coup, je le libère. Hein, soit vous me dites qu'effectivement, ce ne sont pas les vôtres. Et puis, on poursuit l'enquête. Et puis, on le garde un petit peu avec nous. J'ai quoi comme objet, monsieur? Alors, j'ai un préservatif vibrant. Ouais. J'ai des crèmes anti-mycose, tout ce qu'on peut trouver. Des tire-lait, des tétines, des petites choses comme ça. Est-ce que ces objets sont à vous, madame? Non, pas ça, à moi, les objets. Très bien. Je vais vous demander de faire une déposition, de me dire, concernant vos objets, ce que vous en faites, entre guillemets. On démarre. Le préservatif vibrant, madame. Oui, bah, c'est pour faire du bien, hein, monsieur. Vous l'utilisez dans un cadre personnel et privé avec votre conjoint, j'imagine? Tout à fait. Très bien. Comment a-t-il pu le subtiliser? Bah, il s'est servi dans le tiroir. Hein. D'accord. Donc, vous avez un tiroir prévu spéciale, à cette. Spéciale, oui, tout à fait. D'accord, une forme de boîte de Pandore, si je puis dire. D'accord. On va dire ça comme ça. Très bien. Qu'est-ce que vous faisiez avec le gel d'anus massant? Écoutez, je le mets à l'endroit approprié, hein. Bah, à l'anus. Je le mets à l'anus. Il l'a pris aussi dans la boîte de Pandore, comme vous dites. D'accord, dans la boîte de Pandore. Très bien. Qu'est-ce que vous faisiez avec la crème anti-mycose, madame? Écoutez, j'ai appliqué la crème pour soigner les champignons. On a également un tire-lait. Que faisiez-vous avec le tire-lait, madame? Bah, écoutez, quand je vois des personnes dans la rue qui donnent à manger à leurs enfants, bah, je reprends leur lait. Et après, je donne à mes enfants au petit-déj. Très bien. Et au niveau des huiles, puisqu'on va passer au niveau des huiles après les objets, j'ai une huile de foie de morue. J'en sais rien, écoutez, monsieur. Je ne sais pas du tout. C'est pour garnir les armoires. Non, mais là, franchement, c'est des questions... idiote, quoi. Donnez-moi l'adresse que j'arrive tout de suite. Bon. Tout de suite. Je vous le donne. 22. Oui, 22. Rue. Rue. Boileau. Boileau. Comme le poète, hein. Oui. Et vous notez, parce qu'il y a un code à l'entrée, c'est N. N. R. R. J. NRJ. Voilà. Vous rigolez, là. Oui. Vous êtes en direct dans le Rico Show sur NRJ. Non. 23h, Valentin vient de vous piéger et grâce à lui, et grâce à vous, il remporte un très beau cadeau. Bravo Valentin! Yes! Ouais, c'est ça! Maman, t'es super, Sam! Merci, moi aussi, mon garçon, je t'aime! On vous aime très fort tous les deux! Bisous! Merci, ciao! Bisous! Bisous! Je vous adore! Merci, au revoir! Énorme là. Quel kiff les amis, oh. Énorme dossier, je dois vous parler d'un truc. C'est énorme les amis, ouais. C'est énorme ce qu'on va vous dire. On est là jusqu'à 23h, promise. Sur NRJ. Are you drunk enough? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough? To skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. No promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't Allez, avec vous jusqu'à 23h. Ah, quand tout va bien, il y a tout le monde. Mais quand ça ne va pas, il y a qui? Eh ben, personne. Ah si, si si, eux ils sont là. Le Réco Show, 20h-23h. Sur Énergie. Allez, on est avec vous les amis pour kiffer jusqu'à 23h. On va se faire une petite tweetbox là. Yes. Avant de se quitter, j'ai relevé quelques tweets aujourd'hui assez marrants les amis. On a notamment Starry qui dit PTDR, mon ex qui devient pompier. Il sait pas sauver un couple, mais il veut sauver des vies. Hein, terminé par un joli petit enculé. C'est voilà, hein, qui fait du bien. Et puis on a à ceux qui réclament que le peuple décide des lois. Je tiens à leur rappeler que ce soir je participais à une réunion de syndic de 20 copropriétaires. Ouais. En 3 heures, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le modèle de serrure à changer pour une porte du 3e sous-sol. Ah ouais, c'est affreux ça. Mais non, ils ont de la chance d'être propriétaires déjà. Ouais, ouais. Ils ont de la chance d'être propriétaires. Ah oui, oui, hein, c'est vrai. Oh putain. Rien que ça, j'ai envie de mettre un gilet jaune, tu vois. Je suis dégoûté. Putain, l'autre, il détourne un tweet, il est vénère. Ouais, moi je l'avais déjà fait, j'étais assistante d'une nana blindée et en fait j'assistais au coproprio là. D'accord. Je me faisais chier et genre pour un pot de fleurs placé au milieu de la cour, ils avaient pendant 3 heures. Oh, c'est horrible, je te jure. Ah ouais, pour un pot de fleurs. Toi, vous avez des emmerdes, les riches. Ah ouais. C'est pas moi, j'étais assistante. Oui, c'était assistante, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Il y a d'autres tweets aussi, les gens qui disent ouais, franchement, les talons sur une femme, ça change tout, ça fait classe. Non, mais clairement, jamais vu marcher. Ils ne m'ont jamais vu marcher, pardon, avec des talons. C'est vrai que une nana qui sait pas marcher avec des talons, ça peut être chaud. Ah ouais, c'est bravo. Ça fait une. C'est horrible. Tu marches comme des cow-boys, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Comme Lucky Luke, là. Ou comme une soirée après Sylvain. Ouais, ça boite. Ah ouais, tu marches sur des œufs. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est fort. Et surtout, on souffre, nous, nos orteils, quand on rentre, mais ça ressemble à des knackis gonflés. Oh là, fais gaffe, t'es excité, Sylvain. Fais gaffe, t'es en train de le chauffer. Ah, là. Quelle horreur. Je le sens. Êtes-vous du matin? Tu me poses encore une question avant mon petit déjeuner et je t'éclate la gueule. Au moins, t'as une réponse. Ah ouais, c'est vrai, c'est jamais évident. Personne n'est du matin. T'es du matin, toi, JM? Le matin, c'est trop dur, franchement. Ouais. Même après nous, là, quand on rentre l'émission, qui dort? Allez, une demi-heure après ou une heure. Moi, j'arrive pas. C'est impossible. J'arrive pas. T'arrives pas à dormir. Alors, moi, ça m'a toujours énervé, les gens le matin. Tu me parles pas tant que j'ai pas pris mon kawa. C'est bon, en fait. Sois joyeux dès le matin, ouvre les rideaux, je sais pas, sois cool. Ah, je déteste les gens désagréables le matin. C'est vrai. Je déteste. Et moi, il y a ça et ceux qui ont l'alcool mauvais. Ouais. T'as pas envie, hein, Sylvain? Ah ouais. C'est vrai, toi, t'as l'alcool très tristouné. Oui, non, non, joyeux. T'as l'alcool confidence, toi. Enfin, joyeux. Joyeux, il a dit encore joyeux. C'est pas vrai, il va pas s'arrêter, les amis. Allez, c'était pour les tweets de la journée, les amis. Avant de se quitter, je demande une musique de suspense. Oh là. Je demande une musique de suspense. Il y a des révélations à faire. De grosses révélations. Oh purée, j'ai peur. C'est vrai que ce soir, on a fait une émission sur l'amitié, mon chéri. Oui. C'est vrai que ce soir, Jem a été déçu. Ouais. Jem a souffert. Ouais, beaucoup. Jem a souffert parce que il a appris évidemment que ses camarades. Bah oui, mais c'est une connaissance. Sylvain et Sarah. Ne te placer en connaissance. Ouais. Alors que toi, tu l'es placé en bonne amie. Oui. Collègue de bon, travail. Arrête, c'est bon. Oh, ce suspense. Eh bien, JM, je te l'annonce. C'est vrai qu'avant, on était avec Yannick, on était avec Thibaut. Et ils me tannent depuis tout à l'heure pour te le révéler. Mais ils ont tenu bon. Et ils sont passés au moins pour des bâtards comme ils méritaient. Parce que des fois, ils sont pas évidents aussi. Ils méritaient. Mais JM, ils t'aiment très fort. Évidemment, évidemment c'est une vanne, mon JM. Ouais, merci. On nous a forcé, on n'a rien fait nous. Non, non, attends qu'on recontextualise. JM, il était pas bien. JM, il était pas bien. Et, tu sais pourquoi j'étais pas bien? Parce que pendant la musique, j'étais là, tu disais ouais, c'est des ordures, blablabla. Tu m'as chauffé, gros, à un moment donné. Il voulait bien. Même pas révéler. Je l'ai harcelé texto pour lui dire t'as intérêt de parler, sinon je le dis à l'antenne. Moi, la vérité, ce que je voulais faire, je voulais absolument. Je voulais absolument attendre demain. Ah, mais je voulais attendre demain, te laisser gamberger. Après, je me suis dit, bon, il vient de me dire qu'il arrive pas à dormir, mais tu vois, je te le dis, voilà. Il serait peut-être même pas venu à l'antenne. Ouais. Hein, il me dit, révèle la vérité, le bon. Oui. Bon, en tout cas, voilà, c'est révélé. Ça va, je reviens demain, c'est bon. Et j'aime. Non, franchement, moi, je vous aime tous très fort. Bah oui. Et je n'aimerais pas faire une émission avec des gens qui ne s'aiment pas. Je sais que vous aimez aussi tous très fort et c'est important. On avait dit très bonne amie. Mais tu peux pas en plus. Ah, franchement, est-ce que tu peux passer tes soirées? Non. Depuis un an et demi. On se voit tous les soirs. Je t'ai senti, ça t'a touché, moi. C'est normal. C'est ce que je te dis, on passe nos soirées tous ensemble à un moment donné, c'est normal. Et sache un truc, Sarah et Sylvain, ils se sont mis d'accord sur le projet, mais ils ont du mal à se mettre d'accord sur rien. Les gars sont très mauvais, je t'expliquerai. Évidemment, c'est une vanne, on s'aime tous très fort et on vous aime tous très fort. C'est grâce à vous qu'on peut faire cette émission. Je vous aime très fort. Demain, il y aura Sarah Magouille. Ouais. Demain, il y aura Kenji. Ah oui. exceptionnel. Nouvelle émission complètement folle de 20h à 23h. On va kiffer. N'hésitez pas à m'ajouter là. Il y a une PS4 à gagner sur mon Snap. Là, c'est tout de suite RICO-NRJ sur Snap. RICO-NRJ. Qu'est-ce que je peux mettre là de sympa? Qu'est-ce qu'il y a, mon Sylvain? Je sais pas. Est-ce que tu pourrais offrir, chacun de vous, vous allez offrir un cadeau pour mon Snap là tout de suite pour que les gens se branchent. Okay. RICO-NRJ. Sarah, qu'est-ce que tu donnes? Alors, moi, super, je vais montrer ma poitrine. Non, moi, je vais chanter une chanson, la chanson du choix de la personne. Non. Ça donne pas qu'est-ce envie. Que tu offres tout de suite là sur mon Snap RICO-NRJ? Mon corps à la science. D'accord. Oh, est-ce que tu acceptes de faire une photo sexy? Ouais. Ah oui, carrément. D'accord. Mais de où? Vas-y. Genre, je veux une photo genre hyper sexy. Bah, une très très belle photo, vous allez voir. D'accord. Mais c'est le musée de l'horreur avec elle. Mais pas du tout, vous allez voir. Non, mais un truc sexy. Je veux un décolleté, quelque chose. Mais il y aura quelque chose, tu verras. Quelque chose. Un beau décolleté pigeonnant. Oh là là. Pigeonnant. Ouais. J'ai envie d'aller à la béquille. RICO-NRJ pour mon Snap. Sylvain, t'offres quoi? Mon slibard de hier. Non, c'est pas. Ouais. Non. Mon slibard de hier, non? Tu fais une photo en caleçon? Tes tablettes. Mes abdos alors. Oui. Mes abdos. Tu mets en photo tes abdos. Allez. RICO Energy. JM, qu'est-ce que t'offres? Un ticket resto? Non, qu'est-ce que t'offres, franchement? Une petite photo. Qu'est-ce que t'as envie d'offrir de toi? Franchement, il n'y a rien de bien. Ton sourire. Une photo du nez, si tu veux. Ouais. Comme ça. JM va vous offrir quelque chose, un caleçon ou quelque chose. Ouais, vas-y, je vais trouver. Mais t'as un beau corps, je voulais te le dire. J'ai vu la dernière fois, il a un beau corps, son corps aussi. Arrête de faire En été, il n'était pas dégueu, mais là, ça fait 4 mois que je suis à la salle. Ouais, bon, c'est bon. Je vais trouver. JM va trouver, il va vous offrir quelque chose. RICO Energy, moi, je vous offre la PS4. Allez-y sur Snap. Un nettoyant lunettes. Ok, pourquoi pas, on va prendre la photo. Je vous rappelle, photo sexy de Sylvain, les tablettes de Sylvain, photo sexy de Sarah et JM qui offre. RICO Energy sur Snap. Il est temps d'accueillir Mickaël, et l'important dans la vie, c'est faire quand même. C'est Mickaël. Quel salaud quand même, c'est Émeric là. Dis-moi. T'offres quoi? Oh, bah, moi j'offre un pin, j'offre une chanson. Ah. Bon, j'offre la PS4. Le mec il arrive, ouais, en gratos. Ça va ou quoi? Ouais. Oui, ça va et toi? Bah écoute, ça va, j'ai écouté ton. J'ai eu un petit retour là, parce que Romain qui réalise l'émission a fait un petit beugouné, et j'ai entendu du foot au fond. Est-ce qu'il y a du foot? Oui, bah il y avait, enfin il y a plus, mais là il y a du foot. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh bah comme j'avais dit hier, hein, c'est pas cette année que le Real va gagner, hein, 3-0 dans la gueule. D'accord. Et puis voilà, les Lyonnais, ils étaient merde, j'ai regardé tout à l'heure, ils étaient à 1-1, je sais pas comment ça s'est terminé. Ouais, finalement. Ça a fini 1-1, ils sont passés, ouais. Ils sont passés. Ça a fini 1-1, c'est parfait, ouais. Très bien. D'accord. Et puis, le Real, voilà, ils sont dehors. Non, ils sont pas dehors, non, ils sont premiers du groupe, enfin ils ont quand même perdu, quoi. Ouais, mais donc voilà, et puis voilà, sinon voilà. C'est tout ce qu'il y avait, hein. Il y avait qu'une seule équipe française. Voilà, bon, voilà. Bah, écoute, voilà, rideau. Hein. Et okay. Ben voilà, rideau. Impeccable, l'équipe. Voilà. Et ben bonne soirée, les amis. Amusez-vous bien. Ciao. Ciao, les gars. Salut à vous. Et on écoute, Vita pour démarrer. Tiens, Vita et Slimane maintenant. On est sur Énergie tous les soirs. 01 40 71 5000, bienvenue à vous. On est là jusqu'à 3h comme chaque soir. On vous attend évidemment pour se marrer. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop. Tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Là, ça ne compte pas quand t'es pas là, toi, là. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les hommes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne. On est sur Énergie tous les soirs en direct. 01 40 71 5000. Vous voulez passer en live dans l'émission, bah vous connaissez le principe. Plein de cadeaux et plein de jeux qu'on va faire ce soir, notamment le taxi du bled, le jeu du Janul et le jeu des 10 mots. Ça va être cool, non? On est en décembre. Fin d'année. Noël arrive. C'est une fête magique. On célèbre l'amour, l'amitié, la joie. Noël, c'est féerique. La joie, la bonne humeur, la famille. Toutes les nuits, ils sont là. Ils sont là. Mickaël, Tof, Polo et Amina. Ils terminent l'année en beauté. La vie est un combat. Une lutte entre le bonheur et le malheur a lieu. Tous les soirs, choisis ton camp. Tu aimes sourire et tu aimes rire. Tu es le bien. Bien. Tu es mauvais et tu te plains. Tu es le mal. Pressé de finir 2018. Une année mouvementée. Beaucoup de rire et d'amusement. Des problèmes et de grands moments. Oh, vous êtes génial. Ça se termine bien. Et heureusement. Sans conflit et calmement. Et pourtant, après avoir subi des problèmes, des changements d'horaire, de grosses galères, des changements de studio, des changements de pays, des galères d'argent, une expulsion, une révélation. L'année se termine. Mickaël et toute la team vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année sur Énergie. Twitter, Facebook et Insta. M.I.K.L. officiel. Et je suis tombé sur une information très importante. Attention, selon une étude récente, une overdose de chant de Noël serait mauvaise pour votre santé mentale. Et une overdose d'aigreur. C'est l'auditeur qui m'a envoyé ça, hein. Ah. Voilà, selon la psychologue Linda Blair, ça ne s'invente pas. Tiens. Santa Claus is coming to town, à répétition, pourrait effectivement avoir un effet négatif sur notre cerveau. Voilà, elle a déclaré, les gens qui travaillent dans les magasins à Noël doivent faire la sourde oreille parce que si elles ne le font pas, cela les empêche vraiment de se concentrer sur autre chose. Et donc voilà, tu peux péter un câble. Hein. J'y crois pas une seconde. C'est n'importe quelle chanson, si tu la répètes, tu te la mets 12 fois ou 100 fois par jour, ça va, au bout d'un moment ça va te vénère. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, visiblement c'est pour... Mais on t'a pas demandé ton avis. Tu n'es pas un chercheur. Et tu n'es pas psychologue. Tu n'es pas psychologue. Ah si. Tu t'appelles pas Blair. Tu t'appelles Polo Blair. Oui. Ah, tu t'appelles du Blair. Je suis non seulement un philosophe, un psychologue, je suis un peu tout, je suis un peu l'étudiant éternel. Ouais, en tout cas, venez nous donner votre avis. Est-ce que comme cette psychologue, vous êtes d'accord, hein, trop de chants de Noël tue la santé mentale des gens, a priori en tout cas. Amina, la vie? Ah bah non, pas du tout, vive Noël. Bah non, par exemple, non mais je sais que tu sais, en plus tu détestes cette chanson, mais All I Want for Christmas de Mariah Carey. J'ai pas dit que je détestais.